Ciao. Salut. Et un grand merci à vous tous. Là, c'est la fin de l'émission. On se retrouve début août. Aux alentours de mi-août. Aux alentours de mi-août. Merci Doc, merci Karima. Merci Karel, merci Cassim Alaria, merci Maxime le producteur, Lilou, Ludo, Standard, gros bisous à vous. Ouais, merci à toute l'équipe, le retour du Doc là cette année. Karima, première année de radio, t'as déchiré. Ouais, merci à tout le monde. Et donc on se retrouve mi-août. On sera présent bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour vous tenir au courant de ce qu'on va faire pendant les vacances. Et puis on a déjà hâte, franchement, de vous retrouver à la rentrée sur Fun Radio. On est très content de faire Love in Fun saison 2, la saison prochaine, en direct sur Fun Radio tous les soirs entre 20h et 23h. Il sera là avec nous, Mickaël No Limite, qui débarque sur Fun Radio. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Il a fallu attendre la dernière pour que tu rendes à l'heure, c'est dingue. Et d'ailleurs, petit message, c'est Mickaël qui prend notre place dès lundi à partir de 20h. C'est vrai, si vous pouvez d'ailleurs débarrasser toutes vos crasses là. On te laisse le costume ou pas? Toff, j'ai une tête de bite, donc on l'a tous les soirs. Donc si tu veux, c'est pas la peine, c'est grave, c'est gentil. Je vais le vendre sur eBay. Ouais, bah tu peux, c'est vrai, avec plaisir. Et comme ça, on laisse avec Mickaël No Limite. Merci à tous pour cette saison de folie et à très vite sur Fun Radio. Gros bisous. On dirait que vous partez pendant 6 mois. Ah oui, c'est vrai, vous partez pendant 6 mois. Mi-août, t'inquiète pas. Ça va alors. Et vous pouvez embarquer Ludo qui est un peu dégueulasse. Envoyez-moi tout, enlevez-moi toutes ces merdes là. Voilà, lui prend que Karima. T'inquiète pas. Je prends Karima parce que c'est une bombe de meuf. Et j'attends que Lilou grandisse un peu. Voilà, c'est ça. Bon, on va mettre de l'engrais, ça ira mieux. Pas de problème. Gros bisous à tous. Bon, salut à vous. Allez, bonnes vacances. Ciao. Et puis on est parti nous jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Eh ben, si tu veux, on l'appelle, Fabrice. Que Toff, il le fasse, il est adorable. Fabrice, bonsoir. Je t'appelle de la part de Claire qui voudrait que tu lui fourres l'oignon. Alors, s'il te plaît, rappelle-la et par pitié, déglingue-la. Merci, mon père. Maxou, en direct de Bikini Bottom. Juste pour dire aux auditeurs, le toujours peu, c'est dur pour ceux qui aiment le plus. Moi, le jour où je serai cuisiné, j'aurai de l'argent pour m'acheter un escargot de compagnie et vivre le bonheur absolu. Arrête de te droguer, ma gueule. Allez, dégage. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Et oui, saluons également les Portugais qui nous écoutent, qui sont d'habitude ils sont comme un mur. C'est drôle, infranchissable. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà, encore une grande équipe qui quitte le mondial. C'était pas loin. Bravo gardien du Ghana qui a bien géré le bordel, parce que putain, 6 tirs de Cristiano Ronaldo, un seul qui est rentré, tous les autres arrêtés par le gardien. Bravo. Voilà. Il était chaud. Ah, il était chaud, c'est dommage. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va vous faire oublier tout ça, pour les Portugais en tout cas. Pour les autres, tout est encore possible. Évidemment, on va se retrouver pour la dernière fois de la saison entre 23h et 2h, puisque dès dimanche, on sera là de 20h à minuit jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, avec vous, tranquille, pépère, à la cool, pendant que certains commencent les vacances plutôt que prévu. Que prévu. En avance, on va dire. Je ne donnerai pas de nom, je vais les laisser... L'équipe avant nous, je ne donnerai aucun nom. Non, ce sera plus simple comme ça. Anonymat. Oui, ils se reconnaîtront, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on est là, pépère à la cool. On a toujours le match, bien sûr, avec les Algériens qui perdent pour l'instant face aux Russes et les Belges qui sont plus qu'à 10 face à la Corée du Sud. Voilà, 0-0. Merde, il s'est passé quoi ? Carton rouge pour Steven Defour qui a... il a failli casser un pied. Rien de grave dans l'idée. Bon, le pied n'est pas cassé du coréen, en même temps je suis sûr qu'il pourrait mettre un autre. Il doit bien avoir en stock les coréens, c'est pas un problème ça. Bon, quoi qu'il en soit, on aura des maillots de foot également. La totale ce soir, comme tous les jeudis, la totale foot avec maillot, ballon de foot et chaussures de foot. La totale vaut 450€ et je vous l'offre ce soir. Et je vous l'offre ce soir, on va vous poser une question dans quelques minutes, donc restez bien là. On va accueillir également Dylan avec nous. Salut Dylan. Hello. Do you speak English, my friend? Yes. Toi t'es un little doux, toi. Moi je viens de Nantes. T'es un petit quoi, t'es un doux. Ah oui, bien sûr. J'avais presque oublié, dis donc. Bon, le doux, Dylan, t'appelles de Nantes, comme tu le disais. Et qu'est-ce qui t'amène? J'aimerais devenir un doux, c'est tout. Un doux officiel? Oui. Bon, très bien, attends, je te passe Polo. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Là, en l'occurrence, tu remplis les deux caractéristiques. C'est parti, voici Polo. Allô, qui es-tu? Un enculé. Comment t'appelles-tu? Dylan. Tu as décidé en ton âme et conscience de rentrer. J'ai une vanne là. Ouais. Oui. Dylan. Oui. Dylan. Oh, ça va. Ça, c'est drôle. C'est pas comme les merdes de teuf. Oh, si, c'est drôle. Non. Bon. Dylan, non. C'est une blague de CM2, ça. Oh, tu vas me laisser parler, oui? Oui. Tu, en ton âme et conscience, tu as décidé de rentrer dans l'armée des Doux? Oui. Moi qui suis le grand maître de la confrérie des Doux, général en chef des armées des Doux, je peux accéder à tes demandes. À mets-toi demandes. À genoux. Ok, c'est bon. Insulte-toi, Dylan. Je suis un connard. Encore. Je suis un fils de pute. Arrête d'insulter ta mère, espèce d'idiot. Va. Non, mais non, mais non, mais. Voilà. Encore. Je suis un PD. Quelle insulte. Dylan. Oui. Prends ton téléphone dans la main droite. Oui, c'est bon. Assaisonne ta tête à coup de. Coup de téléphone. Ok. On y va. Encore. Encore, motherfucker. Ça suffit. Dylan. Eh oui, il va voir oui. Un bleu. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu oui. Es doux. Bravo, tu es doux, officiel. Bienvenue. Et il est content. Ouais. Dylan, avec les 2-3 mots d'anglais que tu as dit au début, tu. Le doux bilingue. Le doux anglish ou bilingue? Bilingue. Le doux bilingue. Bon, le doux bilingue. Voilà, tu sais écrire bilingue? Parce qu'il va falloir le mettre sur ton Facebook, Twitter et Instagram. Hein. Bon, il cherche oui, oui, sur... je sais écrire. Bon, ça va, on sait jamais, on sait jamais. Tu tapes sur Google. Hein. Voilà, il oui, fera la, il te fera la correction. Voilà, on sait jamais. Bon, bah très bien, bah, bienvenue dans la communauté. N'oublie pas qu'en tant que doux officiel, tu dois bien entendu prévenir tous tes potes d'écouter l'émission tous les soirs, 20h minuit à partir de la semaine prochaine, tous les soirs de la semaine, du dimanche au jeudi. D'accord? Ok, pas de problème. Bon, je compte sur toi. Hein. Ok. Ça roule. Tu pourrais faire une dédicace? Bah évidemment, t'as droit même à deux dédicaces puisque tu es doux officiel. Vas-y, le doux bilingual. Alors, je ferai une dédicace à Léa et à Alicia. D'accord, très bien. Eh ben écoute, message passé, pas de problème. Et je pourrais avoir un petit cadeau? Oui, tu vas repartir avec un pack fun, je te repasse Sandro au standard. Ok. Salut, ciao, salut, à bientôt, ciao. Bye bye. Bon, bah les bye. Autres, appelez-nous. Tu veux écouter un son en particulier ou pas le doux là? Calvin Harris, t'aimes bien? Ouais, j'adore. Très bien, bah voilà, bah c'est le premier son que je vais te mettre dans quelques minutes. Reste avec nous. A tout de suite, Dylan, à bientôt. Ciao, Dylan. Et attention, bonne nouvelle également, puisque c'est maintenant que ça se passe. Quelle est l'année où il y a eu la première Coupe du Monde? En quelle année y a-t-il eu la première Coupe du Monde? S'agit-il de 1930, 40, 50 ou 60? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22, ça c'est plus la Belgique. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous repartirez tout simplement avec le maillot de foot de l'équipe de votre choix, une des équipes nationales qui a participé à la Coupe du Monde. Vous repartirez aussi avec le ballon de foot officiel et les chaussures officielles. Si vous voulez repartir avec ces trois cadeaux qui valent 450 € offerts par Fun Radio et par Pro Direct Soccer, eh ben vous envoyez la réponse M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. En quelle année y a-t-il eu la toute première Coupe du Monde? Voilà, 1930, 40, 50 ou 60, je vous souhaite bonne chance. Il y a Devers 45 et on donne la réponse avant minuit 30, bien sûr. Devers 45 sur le Twitter qui dit salut ma petite team d'enfoirés Softov qui peut rester à l'écart ce petit. Eh bien elle reste à l'écart. Bah, je vais Dorian, rester à l'écart. Dorian qui dit coucou Mickaël, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah si tu veux, bien sûr, évidemment, avec plaisir. Je vais prendre un avion, je vais venir te poster qui est gros PD que tu es. Voilà, en toute sympathie, bien entendu. Bon, et si vous avez envie tout à l'heure de proposer des numéros de téléphone pour les appels malveillants Tof, on va les faire dans une toute petite vingtaine de minutes, et bien vous envoyez les numéros sur le mail de Tof dès maintenant, toph@funradio.fr. Il y a également Dorian qui dit coucou Mickaël. Ah oui, je l'ai déjà lu, pardon. Mister Steven, j'ai beaucoup aimé la vanne de Dylan. Dylan, c'est nul mais marrant. Ah bah quand même, tu vois. C'est bien Toff, parce que c'est Toff qui me l'a soufflé dans l'oreille. Bah bien sûr. Mais comme il a pas les bruitages, lui, bah du coup c'est moi qui l'ai mise quoi. Dylan aussi, bonsoir l'équipe, je vous attendais, comment allez-vous? J'ai un scoop pour vous, la Coupe du Monde est truquée. N'importe quoi. Bah peut-être, ouais, en même temps, on sait pas, on s'en fout, on saura pas. Et Julien aussi, Mickaël le mieux, mon idole, je vous kiffe tous, sauf Toff, il est laid. Merci. Mais il n'a pas choisi, hein. Non, si j'avais pu, j'aurais le physique de Cristiano Ronaldo. Bah, c'est ça, évidemment. Mais bon, là, ça n'avait pas été possible, quoi. Non, il y aura le nouveau Jennifer Lopez à suivre. Je vous l'avais fait découvrir cette semaine, souvenez-vous. Gilo, bien sûr, avec Pitbull, hein. Ce sera Bully sur Fun Radio. Je vous calerai aussi le son de Saya. Avec le chandelier. Et si vous avez envie d'écouter des sons particuliers, hashtag Mickaël sur Fun sur le Twitter de l'émission. Et vous pouvez aussi demander avec le code MIKL espace votre message au 64 900 par SMS. Tiens, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les applis que vous utilisez le plus sur votre téléphone ou tablette? Instagram. D'accord. Moi, il y a les mignons. C'est quoi? C'est le jeu? Ouais, c'est le jeu des mignons, ouais. Oh là là. C'est naze, t'es vraiment une baltringue, toi. Non, j'aime bien, mais sinon, il y a Candy Crush, forcément, où je suis champion du monde. Et puis sinon. Bon, celle que tu utilises le plus, me sors pas toutes celles que t'as sur ton téléphone. Non, bah, Candy Crush et les mignons, c'est. Bon, Candy Crush et les mignons. Moi, c'est plutôt Facebook, Twitter, et alors en jeu, je suis sur. Ah ouais, putain, j'ai trouvé un. Ah oui, Facebook aussi, Facebook. Bon, je pense qu'il y a que moi qui dois jouer à ce truc-là, hein, mais. Attends. Bon, il y avait évidemment FIFA, et puis il y a également Fly Hawaii. En fait, c'est un jeu d'avion, il faut arriver à décoller, à atterrir. Ah quoi, mais c'est genre Fly Simulator? Ouais, mais enfin, hyper light, voilà. Mais oui, c'est en gros, c'est ça. C'est un jeu gratuit, donc vous pouvez le télécharger si vous voulez. Bah, dites-nous, tiens, si vous avez des applications, quelles sont les applications que vous utilisez le plus? Je suis tombé sur une appli spéciale pour Polo, ça s'appelle Fartcode. Et c'est une appli qui vous dit, en fonction de ce que vous allez manger, si vous allez péter ou pas. Il suffit de scanner le code barre et elle vous donne le nombre de pets que vous risquez d'avoir, en fait. Ah, c'est bon, ça. Voilà, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, partagez-les avec nous. Et puis sinon, dites-nous celle que vous utilisez tout le temps. Vous envoyez MIKL et votre message au 64 900 par SMS ou alors Facebook et Twitter, hein. Venez nous rejoindre, tapez MIKL officiel. On est presque 450 000 sur la page. Et bah, merci de nous rejoindre tous les soirs, de plus en plus nombreux. On est là depuis même pas un an, donc c'est cool. Jennifer qui est avec nous également là. Salut Jennifer, 30 ans de 7, t'es en forme? Oui, ça va, impeccable, et toi? Bon, ouais, très bien. T'as un smartphone ou pas, Jenny? Un Nokia Lumia, mais j'en ai marre de ce portable, j'aimerais bien le changer, donc Écoute, bah oui, et sur ton Nokia là, t'as quoi comme application? C'est quoi l'application que tu utilises le plus? Facebook, d'accord, ok. Oui. Il y a une deuxième, un jeu ou autre chose, ou juste Facebook? Candy Crush. Ah ouais, comme toi alors. Mais ça passe le temps, en fait, en plus c'est addictif, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Sandro, c'est quoi l'application qu'il utilise le plus sur son téléphone? Facebook, et alors comment devenir bonasse.com? C'est ça? Non, mais voilà. Oui, c'est plus les réseaux. Régime? Il n'y a pas une obligation. Régime, donc il traîne. J'avais à l'époque, L'a enlevé maintenant. Elle, à chaque fois, elle se faisait engueuler par l'application, donc elle s'est dit c'est bon, casse-toi. Non, j'y allais jamais surtout. Ah oui, en plus, oui, c'est ça. Ouais. Bon, Jennifer, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Moi, je suis venue à Marseille te voir déjà. D'accord, donc, ok. Donc j'ai fait 1h30 de route. Ah, quand même, hein, écoute, merci beaucoup, Jenny. Et je voudrais que Toff me paye mon essence. Eh bien, pas de problème. Bon, et donc, Jennifer? Donc voilà, donc du coup, je voulais juste te dire que t'étais un très très bon animateur. C'est gentil. Oh bah, merci, donc, Jenny. Tous les jours Fun Radio, donc vraiment. Jenny et Toff, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Physiquement, et t'en as pensé quoi? T'as vu la bête? Ça va. Merci Jennifer. Non, attends, confonds pas. Toff, c'est le mec qui n'a pas de muscles et qui n'a pas d'épaule. Moi, je suis le mec sans cheveux. Oui, voilà, c'est ça. Et ne pas confondre Toff et Polo, bien entendu, hein, c'est évidemment très différent. Bon, bah, merci en tout cas, Jennifer. C'est tout, alors t'appelais juste pour dire bonjour. Oui, voilà. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que vous allez venir sur cette. Ah bah, je sais pas. Écoute, là, on vient de Marseille, donc là, avant les vacances, on bouge plus, mais on revient après. D'accord. Les vacances. On va bouger, etc. Attends, je vais rendre service à Toff. Je lui mets une minute au coin. Je lui mets une minute au coin parce qu'il allait faire une vanne de merde avec 7. Ouais, donc, il allait dire on arrive, qu'on passe par 8 ou par. Voilà, 9, c'est ça. Donc une minute au coin, je pense que ça ira très bien pour tout le monde. Bah, je te fais des gros bisous, Jennifer. Et t'inquiète pas, dès qu'on passe par 7 ou pas loin, on vous préviendra sans aucun problème. D'accord, y'a pas de soucis. Gros bisous, je t'embrasse, Jenny. Gros bisous. Salut. Allez, ciao. Il y aura Mickaël dans quelques minutes avec nous. Et puis vous toutes et vous tous, appelez-nous, que vous soyez en France, en Belgique, vous êtes là, vous nous appelez, n'hésitez pas. On vous tient au jus par rapport au match qui a lieu actuellement. C'est toujours 0-0 pour la Belgique face à la Corée du Sud et toujours 1-0 pour la Russie face à l'Algérie. Vous restez là, je vous l'avais promis, Jennifer Lopez avec Pitbullé. Ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Et Valo qui dit, j'utilise beaucoup Twitter comme application, mais je ne me passe plus de Pet Rescue Saga. Tiens, je vais aller voir ce que c'est, ça. Allez, restez sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah, ah oui. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, attention, je rappelle qu'il y a toujours évidemment la totale foot, hein, comme tous les jeudis pendant la coupe. Et ben, il y a le maillot à gagner, l'équipe de votre choix qui participe à la Coupe du Monde. Il y a également le ballon de foot et il y a également, bien sûr, les chaussures. Tout est officiel, bien entendu. C'est les mêmes chaussures, hein, que les joueurs. Hein. Il y a les Puma, il y a les Adidas, il y a les Nike, en fonction de l'équipe, bien sûr. Et si vous voulez gagner, et ben, c'est facile. Il suffit de répondre à la question. Alors, attention, en quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde? C'était en 1930, 1940, 50 ou 60? Si vous avez la réponse, bah vous envoyez Mickaël suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS. Et puis on tire au sort avant minuit 30. Vous pouvez jouer aussi si vous êtes en Belgique, évidemment. Et là, c'est pareil, vous envoyez Mickaël et la réponse au 63 22. Voilà, tirage au sort avant minuit 30. Restez bien sur Fun Radio. Il y a FR Port qui dit aussi Facebook et Twitter pour les applications que j'utilise le plus. Benjamin qui dit toute la sale journée, j'attends 23h pour vous écouter. Et dès que ce moment arrive, je suis heureux. Love you. Merci Benjamin. Et la semaine prochaine, on sera à partir de 20h toute la semaine. Dorian aussi. Bonsoir toute l'équipe. Merci pour mon message de bienvenue. Je vais vous écouter jusqu'à 2h. Vous êtes géniaux comme toutes les équipes de Fun. Gros bisous. Merci Dorian. Gros bisous à toi également. Et puis bah bonne soirée à tout le monde. Merci d'écouter Fun Radio. On est là jusqu'à 2h avec Mickaël dans quelques minutes. Et continuez à nous dire quelles sont les applications sur votre smartphone que vous utilisez le plus, par exemple. Voilà, vous nous dites tout ça. Et Mickaël sur Fun, c'est le hashtag à placer ce soir sur le Twitter et le Facebook. Et puis vous envoyez et Mickaël et votre message au 64 900. On lit tous vos messages en direct et on écoute le son de Calvin Harris avant les appels malveillants dans 10 minutes. Là, c'est Summer sur Fun Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Calvin Harris sur Fun Radio, c'est Summer. 23h, 2h. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 23h20, il y a Kuro Neko qui dit Bubble with Saga, YouTube et Twitter, les applications que j'utilise le plus. Florine qui dit j'utilise beaucoup Facebook et Twitter, bah comme moi, ouais. Sylvain aussi, moi c'est Hill Climb Racing et Facebook, et je peux avoir un message de bienvenue, j'ai l'impression de prendre des vents. Bah non Sylvain, attends, je vais t'en mettre un message de bienvenue, tu vas voir. Tu vas me prendre cher, tiens. Je vais couper la tête. Avec mon pénis, ok. Voilà, tu as un petit message de bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on l'ait plus entendu celui-là. Et Tito qui dit Mickaël, faut que tu saches que chaque soir je suis avec toi. Et à t'entendre parler, je pars dans un autre monde rempli d'humour. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Oh. Merci, merci. Valo et qui d'horreur dit quand même avec la tête de Toff. Ah oui, oui, oui, bah évidemment. Valo qui dit j'utilise beaucoup Twitter comme application, mais je ne me passe plus de Pet Rescue Saga. Antoine également, moi c'est Facebook. Et comme jeu, c'est Zombie de Tsunami. Corentin, il y a une nouvelle application également qui a été créée par Facebook qui s'appelle Slingshot. Ah oui, c'est comme le Snapchat, mais c'est Slingshot, c'est la concurrence quoi. Titou, il y a un jeu très sympa que j'ai découvert aujourd'hui qui s'appelle Piano Tiles. Essayez. Bon, on va aller voir. Thibaut qui dit YouPorn. Ouais, mais ils ont pas d'application YouPorn. C'est bon, ça, YouPorn. Et Benjamin, si, ils ont une application. Ouais, mais c'est une bidon. Enfin, je veux dire, c'est pas une. C'est juste pour. Enfin, comme pour. Non, mais je veux dire, c'est pas. C'est via. Tu vas sur le site et ça te transforme la page en application, mais t'as pas d'application sur Apple Store. Ça, je demande à voir. Qu'Apple laisse passer un truc de porno, ça m'étonnerait. Ah, j'ai un doute. Mais est-ce que ça suffit pour se branler ou pas? Oui, si, oui, ça suffit amplement. Je pense. Je suis sûr qu'ils en ont une d'appli. Ça reste à voir, mais bon, à vérifier. Mais il y a Benjamin qui dit les applis que j'utilise le plus souvent, c'est Hayday, Facebook, ma banque, Snapchat et Fun Radio. Ah bah quand même. Et je vous rappelle qu'il y a l'application Mickaël No Limit qui existe également, que vous pouvez télécharger gratos sur l'Apple Store. Et Corentin, moi les applis que j'utilise le plus, c'est Addict YouTube, Facebook et Twitter. Et puis Jeanne Françoise, je sais Toff, ce n'est pas en jouant au mignon que tu vas le devenir. Ouais, bah, laissez-moi y croire un peu. Ouais, bah oh. il vaut mieux. Ouais, YouPorn, il y a bien une appli. Sur Apple. Montre-nous Android, ça, Toff. Ah ouais, non, mais parce que c'est Android, c'est une password, tu mets ce que tu veux là-dessus. Non, mais je veux dire, il y a pas de filtre, il y a rien. Tu mets tout et n'importe quoi sur Android. Ah oui, c'est oui. Parce que Apple Store, il sert le truc et que tu peux rien mettre en termes de. Enfin, dès que ça sort de. Ouais, mais si tu jailbreak, il doit y avoir moyen. Quoi, Toff, bah non, tu elle n'existe pas, l'application, elle n'existe pas. T'as des applications qui existent, mais après tu peux aussi, si tu veux, t'as des sites comme ça qui n'ont pas d'application, tu vas sur leur site et du coup ça télécharge directement en lien, ça fait une espèce de pseudo application. Je tiens à rappeler au service de l'ordre que j'écoute, que Toff télécharge illégalement et il fait des jailbreaks ou des merdes comme ça. Ouais, mais c'est scandaleux, Toff. Mais c'est parce qu'il est avec Damien qui télécharge. C'est Damien le canulariste qui a téléchargé des programmes illégalement. Ouais, ça se fait pas. Mais il le dit bien à l'antenne en plus, c'est ça qui est pratique. Bon, il est 23h23, on va se faire les appels malveillants dans quelques minutes. Mais avant ça, il y a Mickaël avec nous de Charente-Maritime. Salut Mika. Salut, bonsoir à tous. Salut. Ça va bien Mika? Oh, pas trop. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait je me suis pris la tête avec ma meuf ce soir même. Bah au moins t'as que t'as une meuf si tu te prends la tête avec elle. Mets-toi la place des gens qui n'en ont pas. Moi par exemple. Voilà, du coup ils ne peuvent pas se prendre la tête avec leur meuf. Et bah vous avez de la chance les gars. Voilà, c'est ça finalement. Moi, je suis obligé d'aller dans des voyages paradisiaques seul. C'est ça. Il faut voir ça. Où il achète des femmes à la semaine. Exactement. Enfin bon. Bon alors tu t'es pris la tête à quel sujet, c'est quoi le problème? Parce qu'en fait moi je voulais pas faire l'amour et du coup en fait c'est très agaçant parce que quand on veut quelque chose et que moi je ne veux pas, ça pique la crise et au bout de 5 minutes, 10 minutes je craque et je suis obligé de le faire quoi parce que ça me fait mal au cœur quoi. Ça fait tout un cinéma, de la comédie et moi je sais pas quoi faire quoi en fait. Bah oui, mais... C'est-à-dire que je suis impuissant au niveau de sa d'elle quoi. Enfin... Et pourquoi t'aimes pas baiser? Bah si, mais voilà quoi, deux fois par jour ça casse les pieds. Ah ouais, deux fois par jour, c'est rien. Donc on est obligé de se branler avec toi. Attends, pour bien résumer, en fait ta meuf elle demande deux relations par jour et toi tu peux pas. Ouais, mais deux relations par jour c'est genre deux heures quoi. Ah oui, c'est super long. Ah oui, non, mais d'accord. Ouais, non, après c'est relou. Non, mais c'est bien comme ça de temps en temps quand t'es en vacances, quand t'es assis une fois de temps en temps. Mais tous les jours, deux fois par jour, à un moment ça devient chiant quoi. Si ça dure deux heures à chaque fois, oh non. Non, c'est qu'elle me prive de ma passion aussi. C'est quoi? La musique. Ah, et tu fais quoi comme musique? Bah, l'autre chose maintenant. Et tu fais quoi comme musique? Bah, de tout, mais du coup, ça me prive et je fais de la dubstep, je fais un peu de tout en fait. J'ai un piano, j'ai du matériel. T'as qu'à baiser ton piano? Voilà. Bah oui, c'est ça. Non, mais après, il faut trouver des terrains d'entente. C'est bon, t'es pas obligé de. Je vais expliquer par rapport à la stabilité d'un couple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une balance et il faut que la balance soit droite. C'est pas que moi je me retrouve en bas et qu'elle a la. Oh non, mais c'est clair. Quoi. Bah, dites-nous, enfin, tiens, voilà. Si vous êtes déjà tombé sur des meufs un peu relous, des mecs un peu relous comme ça qui vous étouffaient. Voilà, appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. But pour l'Algérie également hein, face à la Russie. Attention, les Fenech reviennent dans la course et sont donc a priori maintenant, si je ne m'abuse, qualifiés. Donc pour les huitièmes de finale. Ouais Mika. Ouais, j'ai une question. Je crois que moi j'ai commencé à t'écouter en 2007. Ah c'est possible. Moi je suis né en 97. 97 c'est ça. Non, mais... Merci la France d'avoir inventé les 97. Ouais, bah c'est gentil Mickaël, c'est bien d'être fidèle comme ça, c'est cool. Bah ouais, en fait, j'avais jamais appelé vraiment parce que je savais pas. T'avais peur de Toff, non mais je comprends. Bah, t'inquiète, il fait peur physiquement, t'as peur de lui, c'est normal, c'est pas grave. Hein. Mais depuis qu'il est décédé, il pourrit un peu là. Ouais, il moisit en fait, c'est l'odeur qui est assez désagréable. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai fait exprès d'acheter un autre cinéma avec la radio intégrée de 500 watts RMS, ouais. Juste pour la radio. Et ouais, voilà, c'est pour bien nous entendre. Ah ouais. Ouais, puis bon, en 5.1, ça défonce quoi, c'est énorme. Ah ouais, putain, on passe en 5.1 là, c'est-à-dire que je fais... Ouais. Et le truc qui passe devant, derrière, à gauche, à droite, c'est la folie. Ouais. Ouais, bon, il y a quand même 500 watts, mais j'aime bien quoi. Enfin, non, mais ça, c'est bien, sûr, c'est bien. Hein. Attends, regarde, si on fait. Bah attends, je l'ai pas mis là. Vas-y, mets-le à fond pour voir. Attends, je vais mettre les basses. Alors attention, mets les basses à mort. Attends. Vas-y. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Ça y est? Vas-y, attends, vas-y. Ah voilà, parfait, attention, j'essaye. Allez, mets à fond, mets-le à fond de balle là, le 5.0 là. Qui dort, y a on s'en fout, on s'en fout. Oh là là là là. Ça valait bien la peine d'acheter un truc à 500 watts, tiens. Oh, puis... Ah voilà. Ah, c'est horrible. Quoi, tu vas un petit passé en écho? Ah ouais, trop tard, il a coupé là. Merde. Non, il est voisin, Bon, Mickaël, attends, reste avec nous deux secondes, on va demander l'avis des autres auditeurs. Si vous êtes déjà tombé sur des meufs qui vous étouffaient là-bas, appelez-nous. Ou des mecs qui vous étouffaient, vous pouvez aussi envoyer votre message, M-I-K-L et votre message au 64-900. Et on lit tout ça en direct, bien entendu. Il y a Corentin avec nous de Bretagne. Salut Corentin. Yo. Ça va et toi Corentin? Ça va. Bon, c'est quoi l'application que tu utilises le plus? On en parlait, tiens, il y a quelques instants. Il y a Facebook. Ouais, forcément, ouais. Idaft et 2048. C'est quoi 2048? C'est quoi? C'est le truc où faut faire 2048. Ah c'est oui, avec je suis con. Avec j'en ai parlé. Oui, je suis con. Non, mais c'est parce que j'ai lâché l'affaire. Ce truc m'a saoulé, donc donc j'ai arrêté. J'ai essayé de l'enlever de mon cerveau. Ça a bien marché visiblement. Hein, donc c'est bien. T'arrives à faire 2048 ou pas, toi? Bah oui. Oh, ce genre, il se la ramène là. Ouais, c'est moi j'ai réussi. Oui, c'est quoi le problème? Évidemment que j'ai réussi. De quoi? J'ai réussi que deux fois. Ah, ouais. Deux fois sur combien d'essais? Sur 2048. Énormément, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Une application à nous conseiller ou pas? Est-ce que t'as déjà téléchargé l'application du paix là qui peut te dire combien de paix tu vas faire en fonction de ce que tu vas manger? Non. Non, bah tu devrais la télécharger, c'est gratuite. Génial, ça. Tu devrais y aller. Hein. Polo, il va la télécharger direct. Et je vais prendre les aliments qui font le plus péter. Évidemment. Et je péterai dans le bureau. Complètement. Bon, bah, merci Corentin d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Nickel. Dis-moi. C'est quoi l'application avec l'avion que tu disais? C'est Fly Hawaii. Hawaii comme Fly Hawaii. Hawaii. Hein. Et Fly comme Fly. F-L-Y espace Hawaii. Et l'application est gratuite. Bon, après, il faut acheter des trucs intérieurs, mais vous pouvez jouer directement dès que vous la téléchargez. Donc voilà. Après, il faut aimer les avions. Et puis voilà. Bon, c'est pas le jeu d'année, mais c'est rigolo. Bon, bah salut Mika. Salut Corentin. Ouais, salut. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Retour avec Hugo aussi dans quelques minutes qui voulait nous parler d'applications. Quelles sont les applications que vous utilisez le plus? Un message qui est arrivé également de Dilek. Moi, mon ex, c'est méga relou. Ah oui, c'est ça, c'est par rapport à Mickaël. Mickaël, je le comprends parfaitement. Là, il veut me reparler et tout, mais il me met mal à l'aise. Il y a Mélissa Mickaël qui dit « Je peux avoir un message de bienvenue, je n'ai toujours pas eu le mien. » Bah oui, je vais t'en mettre un si tu veux, ouais. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, Quentin qui dit « J'utilise Facebook, Snapchat, Retriga et Mickaël No Limit. » Ça, c'est bien, Quentin. Et alors 26CXS qui dit 4 heures de cul par jour, ah bah profite. Bah ouais. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, c'est. Quand on n'a pas, oui, c'est génial et tout, mais à un moment, si tu veux, ça devient un peu relou quoi. Mais bon. Bon, il est 23h30, dans quelques minutes, ah bah il y aura le canular du jeudi. Ah. Canular du jeudi, mais avant ça, les appels malveillants juste après Jennifer Lopez, Pitbull avec Body. Et bah, c'est une nouvelle grande étude. Ce sera ça le thème de soir. Nouvelle grande étude qui vient de sortir. Elle a mesuré le nombre d'éjaculations de mecs et le risque d'infarctus. Je vais y arriver. Donc, pour éviter l'attaque cardiaque, il suffit d'avoir plus de 12 éjaculations par mois. Rapport sexuel ou branlette, peu importe, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste éjaculer, voilà. Donc, Tof, tu vas passer quelques appels malveillants à tes amis pour voir s'ils les éjaculent assez. C'est médical. Bah c'est ça, c'est pour les prévenir. Voilà, pour le coup c'est totalement médical. Et juste après Gino également, je vous rappellerai la petite question de ce soir pour repartir avec la Total Pack Foot. Maillot, ballon et chaussures de foot, ça vaut 450€. Je vous repose la question après Gino sur Fun Radio, c'est Bolé, bonne soirée avec Fun Radio. Hey Gino à l'instant avec Pitbull sur Fun Radio, c'était Bolé. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti maintenant pour les appels malveillants. Espèce d'enculé. Eh oui. Et gros appel malveillant. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer, gros PD que tu es. Ah oui. Donc alors attention, appel malveillant, donc c'est une étude qui vient de sortir qui dit qu'en gros il faut éjaculer au moins 12 fois par mois pour éviter d'avoir une crise cardiaque. Oui. Grosso modo c'est ça, c'est pour entraîner le cœur. Donc branlez-vous. Exactement. Donc du coup, grâce au numéro de téléphone que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, eh bien on peut appeler les gens pour leur demander si effectivement ils se masturbent assez souvent, ils éjaculent assez souvent. Oui, c'est ça. Parce que bon, c'est tout confondu. Hein. Ah, et but de la Belgique, je t'interromps là, but de la Belgique. Ah oui, voilà, tout à fait, effectivement. Du bon belge de Marc Wilmots. Marc Wilmots, pas Wilmots, mongol. Oh, il s'est fait défoncer par Ménès Wilmots. Ouais, soi-disant, ouais, bon après on s'en fout, peu importe. Voilà, du coup, je sais pas qui a mis le but parce qu'ils sont tous autour de lui là, comme si grâce à ça ils étaient enfin qualifiés, alors que pas du tout. Ouais, mais c'est beau, 3 victoires. Bah oui, c'est. Ah bah, 3 victoires, effectivement. Donc 1-0 pour la Belgique face à la Corée du Sud. Et c'est toujours un partout pour Algérie, Russie. Voilà, bon bah, on vous tient en jus comme promis. Bon, puisque je suis dans le foot, je vous rappelle la question pour repartir avec votre maillot de foot, la Total Foot, hein. Maillot de foot, ballon de foot et les chaussures de foot officielles. Ça vaut 450€, c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde? En 1930, 40, 50 ou 60? Si vous avez la bonne réponse, si vous voulez repartir avec 450€ de cadeau foot, et ben vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique justement. Et allez les diables! Mais oui! Évidemment pour ce soir. Et les Fenech également. Mais oui! Voilà, c'est ça, soyons. Tof est à moitié algérien. Oui, Tof est algérien, je tiens à le rappeler. Mais oui! Bon, allez, donc, c'est parti! C'est pour ça, comme ça, ce soir, on pourra aller faire la fête sur les champs. Mais évidemment, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'amis qui vont t'escorter, hein, que j'ai vu quand je suis arrivé à la radio là. Comment te dire? Ah, c'est Vertongen qui a mis le. Ah, Vertongen, ya. Allez, c'est parti, on y va, les appels malveillants. C'est parti! Maya. Eh ben, premier appel, on y va. À 23h36 sur Fun Radio. Et ça ne décroche pas, c'est parfait. On est au top. Bah oui. Allô. Oui, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien vous avez d'éjaculations par mois, monsieur. Ah, ça c'est une très bonne question. Et si je vous retourne la question, vous allez faire quoi, hein? Ben, je vais rien faire, monsieur. Pourquoi vous voulez me retourner la question? Ben, vous me posez une question, moi je vous retourne la question. Et alors, et vous? Ben, moi, je sais pas, monsieur, beaucoup. Ah, si vous avez pas, pourquoi vous me posez la question, alors? Ben, pour... parce que, en fait, c'est bon pour votre santé, monsieur. Ben, c'est très bon pour la vôtre aussi, parce que la vôtre et la mienne, c'est pareil. Ben oui, monsieur. Ben oui, alors. Ben voilà, c'est tout. Ben voilà, alors, ferme ta gueule, alors. Ben, pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais attendez, vous me posez une question qui est complètement indiscrète, monsieur. Mais pas du tout. Vous fermez votre gueule, vous savez où ce que vous avez téléphoné. Maintenant, si vous avez des couilles, vous venez. Mais pourquoi vous voulez que je... couillot comme vous, j'en baisse tous les jours. Ok. Je comprends pas, monsieur. Fermez votre gueule. Fermez votre gueule. Comment ça, tu sais où t'as téléphoné? Non, pas du tout, monsieur. Eh ben alors, ferme ta gueule, alors. Point à la ligne. Mais enfin, non, monsieur. Mais ferme ta gueule, je te dis. S'il y a deux solutions, soit tu viens, si t'as des couilles, tu viens. Si t'as pas de couilles, tu restes où t'es. Point. Oh non, monsieur. Moi, des couilles, j'en ai. Donc, viens. J'attends des mecs comme toi, moi. Moi, des mecs comme toi, j'en bouffe tous les jours. Viens. Si t'as une grande gueule, viens. Mais viens. Vous voulez pas juste. Mais viens, je t'attends, viens. Viens. Vous voulez pas juste répondre à ma question? Ferme ta gueule et viens. Si t'as des couilles, viens. Mais t'as pas de couilles, c'est normal que t'es au bout d'un fil, tu téléphones aux gens au bout d'un fil. Qu'est-ce que tu veux avoir des couilles? T'as pas de couilles, mon gars, je te dis, ferme ta gueule, viens voir un homme et là tu parleras. Allez, ferme ta gueule. C'était sympathique. Faut peut-être lui dire qu'aujourd'hui les fils, bon, c'est quand même relativement rare. Viens. Hein, tu peux faire que ça au bout d'un fil. Oui, ouais. Non, mais enfin, il avait raison, sur le coup, c'est au bout d'un fil. Oui, bon, c'est vrai. Bon, on le rappelle? Allons-y. Allez, c'est parti, on y remet en même petite couche, là. Ouais. Ah bah, il déroge plus bien. Moi, je voulais prendre l'adresse. Ouais, oui. Bienvenue. Eh ben, très bien, ben voilà, comme ça c'est arrangé. Il fait tout un cinéma et puis il décroche plus. Allez, viens. Espèce d'enculé. Voilà, bon, on en appellera d'autres tout à l'heure. On en appellera d'autres tout à l'heure, c'est pas grave, dans moins d'une heure on remet le couvert. Massimo qui dit, je me branle minimum deux fois par jour. Bon bah ça va, alors t'es tranquille, hein, au niveau de l'arrêt cardiaque, tu risques pas trop de trucs. Hein. Non, c'est pas pour demain. Ah ouais, c'est pas pour demain. Mathieu qui dit, moi les applis que j'utilise, que c'est Facebook, Twitter, Blague, Inc. Et celle que j'utilise le plus, c'est Fun Radio. Bah évidemment, Mathieu. Il y a Gaylord. Non, il est de retour, Gaylord. Bonsoir, on fait comment pour vous appeler? Bah, tu prends ton téléphone et tu fais 01 42 48 5000. Et si t'es en Belgique, tu fais le 02 851 4x0. Dans les deux cas, c'est pas un numéro surtaxé, donc ne vous inquiétez pas, on va pas vous saigner. Moi, j'utilise Facebook et Twitter et Temple Run 2, c'est Marina. Et croyez-vous en Dieu, c'est Joël. PS, ce message est-il surtaxé? Ça dépend par où tu l'as envoyé dans l'absolu. Il y a Pierre qui dit, fini le bahut pour moi. Allez, bah, bienvenue Pierre. Bienvenue dans le monde des vacances. Le monde des vacances, exactement. Et bon, bah, dis-nous surtout si t'as réussi ou pas, parce qu'à un moment, faut pas se la ramener, quoi. Un monde merveilleux et enchanteur. Ah oui, magnifique. Bon, il y a Nicolas avec nous maintenant de Paris, là. Salut, Nico. Salut, Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Ça va parfait. Bon, tant mieux. Qu'est-ce qui t'amène, Nico? Alors, première chose déjà, quelle application est-ce que tu utilises le plus? Bon, Facebook, YouTube, hein, à la base. Facebook, ça, YouTube. Y a pas de jeu en particulier, non? Actuellement, non, bah Candy Crush actuellement. Candy Crush. Ouais, toi aussi. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Moi je suis surtout sur FIFA aussi. Mais comme quoi, ça marche pas très bien, hein, puisque avec le Portugal aujourd'hui, j'avais mis 6-0 au Ghana. Ah bah. Ça n'a pas vraiment reflété la réalité. Moi je suis sur Bloomberg un peu là. Bloomberg, ouais, sur ça, les trucs de bourse. Bon, le problème c'est qu'il ne voit pas comment ça marche, mais voilà. L'application est dessus, c'est le principal. C'est magnifique, vous l'avez vu ou pas? Ouais. Il y a tout un système, il y a des courbes et tout. Et non, mais ça va partout. Elle est belle. Ah, elle est très belle, elle est très belle. En fait, Polo, il la regarde pas pour vraiment la cotation, il regarde juste pour la beauté de la courbe. Exactement, la courbe est belle. La courbe est bien faite. Ah oui, c'est mignon. Ah oui, très joli. Ah oui, ça fait une belle appli. Nico, qu'est-ce qui t'amène, toi? Tu voulais parler de quoi? Des matchs truqués de la Coupe du Monde. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-dessus? On n'est pas à la Coupe du Monde. Ah, bah, moi, je vais te raconter les petites anecdotes qui sont sorties. Moi, j'ai appris un peu dans tous les sens. Ouais, bon, parce que tu connais personnellement Platini. Bien sûr. Et c'est Blatter. Parce qu'après, il y en a qui disent aussi que Platini aurait triché, qu'il aurait avantagé la France. Parce que la France est dans un groupe plus facile que les autres. Oh donc il y a eu ça comme truc. Il aurait. De quoi? C'est pas en rapport avec le tirage que je veux dire. Ça en rapport avec quoi? Actuellement, t'as vu, est-ce que t'as vu un peu le match Allemagne? Attends, est-ce qu'il y a une conspiration des francs-maçons là-dedans ou pas? Est-ce que Michael Jackson est revenu avec c'est lui qui était au but. Elvis Presley? Voilà, Elvis c'est ça. Elvis Presley et Tupac. Ils sont tous dans l'équipe des États-Unis. Voilà. Non, j'ai pas vu le match Allemagne-Ghana. Pour toi, il se passe quoi l'Allemagne-Ghana? Bah, il y a eu 2-2, donc tu te rappelais quand les Portugais ont pris une claque sévère et sèche. Non, mais ça veut rien dire. Les amis les Allemands, quand tu fais 2-2 contre le Ghana qui est censé être un peu moins fort, ça pose des soupçons. Mais des soupçons de rien. Attends. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais non, mais attends, ça veut rien dire. Il y a des jours où effectivement t'es plus en forme, t'as un peu de chance. Parce que le foot c'est aussi un peu de chance. Il suffit d'une petite erreur, tu mets la balle, bon bah voilà, ça y est, c'est fait. T'as des jours où on n'a pas de chance. Bon bah voilà. Après, t'as des jours où on est en forme, des jours où t'es pas en forme. Après, il faut analyser aussi le Portugal qui était une équipe en bois cette année. Enfin cette fois-ci avec plein de blessés. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Avec, enfin je veux dire, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux comparer. Mais tu peux pas violer un Portugais et à la fois ça veut rien dire ce que tu dis. Rester debout devant un gagnant. Enfin bref. Mais ça veut rien dire. C'est juste que t'es vénère pour parler de la conspiration des lesbiennes. Ouais, c'est juste que là t'es vénère parce que t'as parié et que t'as perdu. Ah mais moi je parlais jamais des Portugais, je pariais des Allemands deux fois. Donc... Non mais voilà, c'est ce que je dis, donc t'es vénère parce que t'as parié, t'as perdu. Oui, c'est pour ça que tu dis ouais c'est de la triche, je suis sûr c'est de la triche, c'est de la triche. Mais alors si on parlait du match France-Équateur, ça veut dire qu'en fait la France aurait été achetée pour pas gagner contre l'Équateur? Non, au contraire. Mais ça, il n'y a rien dessus. Moi, ce que je vais te dire par rapport à ce match à Nangana, c'est des faits réels. Et tu crois que les vampires sont intervenus, que c'est un vampire qui a mordu le joueur? Non, vas-y. Attends, on va rien dire. Le joueur italien. Dis-moi. C'est quoi tes faits réels qui font que t'es sûr que le match a été truqué? Alors moi, je suis tombé dessus. Ouais. J'ai lu l'article et on me l'avait raconté en fait. Je veux pas dire comment je peux le savoir. Mais j'ai déjà eu pas mal de matchs truqués, surtout en tennis, sur des cotes à 4-5 à chaque fois qu'ils passent. Je dis pas qu'il y a pas de matchs truqués, hein. Mais vas-y. Bah, à chaque fois, ça tombe juste. Et on avait parlé de celui-là et je suis tombé sur un article qui confirmait, donc, qui prouve que ça doit être vrai, qu'il y avait des enquêteurs anglais qui étaient venus et tout, et qui ont rencontré des mecs, des agents de Singapour, des hommes d'affaires de Singapour. Ouais. Ah oui, ça va très loin. Et c'est des organisateurs de matchs truqués. Mais bien sûr que ça existe. Oui, mais alors tu sais, après, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui truquent tout. Hein. T'as les animateurs qui font tous les pipeaux aussi sur des radios. T'as des qui font des faux auditeurs. T'as des trucs qui font des faux gagnants, qui offrent des faux cadeaux. Après, t'as tous les enculés partout. Mais voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Sauf qu'il y a des fausses meufs. Ouais. Ah bah je fais ce que je peux. Hein. Au moins une fois qu'elles sont gonflées, elles sont pas chiantes. Voilà. Il a une fausse tête. Non, ça par contre elle est vraie, je suis. Voilà, enfin tu vois, il y a plein de trucs. Attends, tu sais quoi, reste avec nous Nico. On va demander l'avis des autres. Est-ce que ça vous pensez que c'est possible ou pas? Enfin possible, ça existe évidemment. Mais est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Nico ou pas? Vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. On est toujours en direct jusqu'à 2h du mat évidemment. On va parler de l'application également avec Hugo qui est avec nous là dans l'Ain. Salut Hugo. Salut, ça va? Comment ça va? Oh, elle est bonasse la Belge là pour l'eau là. Oh là là. Ah, elle est derrière, on l'a pas vu là. Oh là là là là là là là là là là là. Il y en a une qui traîne comme ça sur internet, c'est la Diablesse. Personne connaît son nom, mais on l'a vu. Mais on n'est pas l'abri que ce soit elle d'ailleurs. Mais c'est. Elle est la tournésienne. Oui, mais c'est celle qui monte ses. Non, c'est une autre. Ah, c'est une autre. Une meuf de tournée qui est splendide. Parce qu'il y en a une autre qui a fait une vidéo aussi où en fait elle a mis deux ballons à la place de ses seins. Exact, ouais. Non, mais là, elle est. Montre. Non, ouais, exactement. Ah ouais, ouais. Celle qu'on vient de voir à la télé, si vous avez Bean. Elle est toute mignonne, avec une petite blonde comme ça, toute mignonne, une tournésienne, très sympa. Bon, alors Hugo, donc toi, c'est quoi l'application que tu utilises le plus? Moi, c'est plutôt Twitter pour tweeter avec le hashtag Mickaël, parce que c'est Hugo Réo. Ah, c'est Hugo Réo. Le fameux Hugo Réo, ouais. Voilà. Bon, et hormis Twitter, tu utilises quoi? J'utilise la radio, l'appli radio pour vous écouter. Normal. Et Pianotize. C'est quoi? En fait, on commence à des touches de piano qui font de la musique et en fait, ça va de plus en plus vite. Il y a des touches. En fait, c'est un vrai piano et il y a des touches colorées, on doit les toucher et ça va de plus en plus vite en montant. Hugo, et en fait, on doit... Hugo ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu utilises pas l'application Suce mes boules aussi? Le suceur? Non. Il y a des fois que tu utilises, mais... Il la garde pour l'année prochaine, il a raison. Ouais, voilà. Bon, t'as réussi ton année, Hugo? Franchement, ouais. Bon, bah c'est bien, bah bravo à toi, Hugo, c'est bien. L'année prochaine, tu passes en quelle classe? Troisième. Eh ben très bien, allez à la bonne heure. Bon bah ça roule, mais merci Hugo d'avoir appelé. Hein. Ouais. Ah non, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Alors pour Toff, je veux savoir comment il réussit à être aussi con. C'est inné chez lui ou oui, c'est oui, inné, je suis, né comme ça. Et après il travaille un peu, tu vois. Mais juste les appels, hein, c'est voilà, mais pas plus que ça quoi. Effectivement, il est, ah, est né comme ça. Il est né comme ça. Il a eu cette chance ou pas, je ne sais pas. Bon, bravo, hein, t'as vu, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, salut Hugo. Bah, salut, merci. Hein. Ciao à toi, à bientôt, merci d'avoir appelé. Le standard est blindé, c'est parfait. Il y aura Mickaël, Cyprien, Calvin, il y aura Vincent, Maxime, Jimmy, Nicolas, vous toutes et vous tous en direct, on est sur Fun Radio. Vous balancez vos messages maintenant, et Mickaël et votre message au 64-900. Vous balancez également le hashtag et Mickaël sur Fun Radio, bien entendu, enfin, et Mickaël sur Fun plutôt. Dans un instant, je vous passe Keza avec Hideaway. Et il y aura le canular du jeudi également, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Je rappelle la question pour repartir avec la Total Foot. Ça vaut 450€ le cadeau puisqu'il y a le maillot de foot au choix que vous allez pouvoir gagner. Il y a également les chaussures de foot officielles avec les... Bah, c'est les chaussures que les joueurs utilisent hein, pour le mondial. Il y a également... Qu'est-ce qu'il y a également? Et ben... Un ballon. Et le ballon officiel, bien sûr, évidemment. C'est ce que j'allais oublier. Ballon officiel à gagner si vous avez la réponse à la question que je vous repose maintenant. Donc, quel est... En quelle année plutôt a démarré la première Coupe du Monde? C'était quoi l'année où il y a eu la toute première Coupe du Monde? Si vous avez la bonne réponse, eh bien c'est très simple. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la bonne réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS. Et Mickaël est la bonne réponse au 64-900. On tire au sort dans une grosse demi-heure. Vous avez la bonne réponse. Eh bien ce sera peut-être pour vous le pack hein, offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Ça vaut 450€. Je vous souhaite bonne chance. Ça y est, les matchs sont terminés. La Belgique est première du groupe. Également va en huitième de finale. Ça y est, les matchs sont terminés. Un partout entre l'Algérie et la Russie pour la première fois de leur histoire. Bah, en gros, évitez tous les grands endroits, les grandes places des villes, quoi. Et bon. Si vous les croisez, vous leur dites Nikoumouk. Voilà, ça veut c'est dire... ça. Ça veut dire bonne longue vie. Ça veut dire bravo pour la victoire. C'est ça. Ouais. Non, non, voilà. Donc bravo à eux deux. Et puis, bah, donc c'est la Belgique va affronter la. Qui ça? J'ai oublié maintenant. Les États-Unis. Voilà, c'est ça. Ouais. La Belgique va affronter les États-Unis. Et puis, bah, la Corée du Sud va rentrer chez elle. Tout comme la Russie également qui rentre chez elle. Et l'Algérie va affronter. Je sais pas. Oui, oh chaud, putain, Algérie-Allemagne. Oh, on va être bon là. Oh, je pense que les Allemands, ils vont y aller comme des rouleaux compresseurs. On va voir. Attends, si l'Algérie sort l'Allemagne là, je pense que là. L'Algérie en finale. Allez, Algérie en finale, on va voir. Ah, mais Toff, c'est son pays, ça lui tient à cœur. Tient à cœur un peu là. Effectivement, on sent qu'il a envie. Là, pour fêter la victoire. On sent qu'il a envie. Bah, on pense également au vieux port qui doit, à mon avis, être ravagé là. Ouais, mais ils ont une technique de ouf. T'as vu, t'as rappelé en fait, c'est impressionnant. Ouais, ils sont bons. Ouais. Les flics, ils leur foncent dessus avec les motos. Ouais. En fait, les mecs, ils s'esquivent dans les rues. Et les CRS avancent et ils bloquent les rues. Exactement, ouais. Donc c'est du magnifique. Coup ça évite qu'ils sortent un peu partout. Ouais. Bon bah voilà, les matchs sont terminés, donc on vous tient en jus pour le reste. Demain c'est repos, hein. Demain pas de match, les filles vous êtes contentes. Et puis même ceux qui n'aiment pas le foot d'ailleurs en l'occurrence. Il y a Lucas qui dit vous me faites tellement rire, j'ai réveillé mes parents. Hugo Réo aussi, Toff c'est un trop beau gosse là. Respect. Ouais, donc t'as bien de la merde dans les yeux toi Hugo. Il y a Pierre aussi, merci, Nico Mouk. Et alors la diablesse s'appelle Axel, elle a 17 ans et tu. Ah bon elle a 17 balles, putain elle le fait pas alors là. Et tu peux me passer. Tom Bollywood de Tombola, même un extrait YouTube, c'est Fable Boulanger. Mais le problème de l'extrait YouTube, c'est que c'est le son est dégueulasse en fait, et c'est un peu compliqué. Benjamin qui dit, ça veut dire nique ta mère, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Non, ouais. C'est faux. Et Gink également, ou Jinka, je sais pas comment on dit sur le Twitter, mais qu'il la ferme, cet abruti d'andouille, les matchs sont aussi truqués que sa mère a des couilles. Ça mérite d'être clair. Mais hein. Peut-être que sa mère a des couilles, on ne sait pas. Posons-lui la question. Peut-être. Bon, Nico! Est-ce que ta mère est devenue un homme? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on ne va pas poser cette question pour éviter les insultes dans tous les sens. Il y a Andreas qui dit tu connais rien au foot. Le mec se permet de dire des conneries, des fois faut se taire. T'es un mec comme dit Mickaël, t'as la rage. La presse sont là pour vendre. Tout le sport est truqué plus ou moins, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne dit rien. Mister Steven qui dit j'ai du mal à croire au match truqué. Après sur internet on voit pas tout et n'importe quoi. Anthony qui dit je peux avoir un message de bienvenue. Bah oui si tu veux. Tiens attends je vais t'en mettre un petit là. Attends. du con. Voilà. Ouais, parce que si on croit sur ce qu'il y a sur internet, les extraterrestres sont déjà parmi nous. Exactement, les Twin Towers sont pas tombés. Voilà, c'est ça, Michael Jackson est toujours vivant. Exactement aussi, ouais, tout à fait. Bon, bref, Nicolas, donc toi tu penses que les matchs sont truqués, bah c'est ton choix, hein, c'est ton droit en l'occurrence, hein, mais on peut pas le savoir. Et même toi, t'as aucune preuve. Bah comme je t'ai dit, moi j'ai mes sources et j'en ai eu plusieurs des matchs truqués. Mais il a ses sources, t'as tes sources, t'es journaliste d'investigation. Non, ça s'appelle des informateurs. C'est des mecs qui te disent des matchs truqués, certains te font payer, moi le mien il me fait pas payer en l'occurrence. Il y en a qui les vendent. Ouais, mais comment est-ce que lui le sait ton informateur? Parce que bon, j'en sais rien, je pense qu'il le dira pas pour une seule raison, c'est parce que sinon après il va en avoir du mal pour son business. Lui il s'en sert comme ça comme business. Mesdames et messieurs, je suis informateur. Oui, donc, si informez-nous vous voulez, alors. Pour 500 euros, je vous annonce une grosse nouvelle. Mais il faut me payer, je vous donnerai mon adresse PayPal. Vous me payez et je vous annonce une énorme nouvelle à propos d'un éventuel match qui a été truqué aujourd'hui. Non mais quand il te le fait payer, il est sûr à 1000%. C'est... Ah mais moi je suis sûr à 1000%, hein. 500 euros et je t'annonce une grosse nouvelle. Tu payes ou pas, Nico? Non. Mais attends, je suis un informateur, tu peux avoir confiance. Un informateur très bien informé. Le mien, c'est pas payé. Il y a Tov qui est un formateur. Moi, je ne donne que des infos pour lui. J'ai une question, moi, parce qu'en fait, c'est que, comme c'est des équipes de merde qui gagnent, quel est le but et quel est l'intérêt pour les grosses équipes de perdre tout ça? Alors, c'est l'argent. Tu paries. Imagine, tu prends des équipes que tout le monde connaît, tu prends le PSG, voilà, qui va jouer Ajaccio, qui est une petite équipe. Quand ils sont venus au parc en début de saison, leur cote, elle était à 14. Tu leur dis, mais ça sera jamais truqué parce que le PSG a de l'argent, on le sait tous. C'est la capitale du monde. Oh, attends, cinéma. Bon, et puis, voilà. Ben voilà. Et ils vont dire, voilà, je vous donne 125 000 au mec, parce que c'est le prix d'un match truqué, c'est 125 000. Il va dire, c'est tout, vous 125 000 euros. Et vous me faites gagner Ajaccio. Le gars, il y a une cote de 14, il va mettre 100 000 euros sur Ajaccio, et il gagne 1,4 million. Oui, mais voilà, après ça existe, je dis pas que ça existe pas, mais de là à dire que le match Allemagne-Ghana était truqué parce que t'avais misé sur l'Allemagne et que du coup ils ont perdu, c'est un match nul. J'ai misé sur l'Allemagne seulement pour Allemagne-Portugal et Allemagne-États-Unis. 1000 x 14, ça fait pas un million. J'ai pas misé sur les Ghana. D'accord, ok. Bon, enfin bref, voilà, ça peut arriver aussi, tu vois, s'il y a des équipes qui aient un peu de mal ou. Enfin, tu peux pas, tu sais pas. En règle générale, ça se fait, mais sur les matchs de boxe. Parce que c'est plus facile de corrompre un mec que de corrompre 23 mecs, plus les entraîneurs, plus les autres, plus toute la ligue. Surtout pour 125 000 euros, parce qu'au final ça fait pas cher payer la tête. Hein. Ouais, tu dis. Là où ils ont beaucoup d'emmerdes aux États-Unis, surtout les matchs de hockey, bon, ceux qui s'y connaissent un peu, là, c'est... Non mais après, voilà, après je dis pas que ça n'existe pas, mais de là à dire que t'as des preuves sûres à 100% que les matchs de la Coupe du Monde sont truqués, je suis pas sûr. Moi on m'a dit quelque chose. Non mais regarde, moi je te dis l'inverse, et tu vas pas me croire pour autant. Et j'ai lu un article là qui me le confirmait. Attends, après... tu veux que je t'écrive un post sur Facebook? Non mais par contre, il y a un truc, parce que moi je me souviens qu'il y a une très très grande équipe de Ligue 1 qui s'est fait battre par Evian Thonon Gaillard. Oui. Ah, ta gueule. Tu vois, ta théorie, elle est bancale. Ouais. Ah, et Marseille à l'époque où ils étaient au top, enfin ils avaient gagné je crois cette saison-là, il me semble. Ouais. Ils avaient été virés par Carquefou, je sais pas quoi là. Donc bon, si tu veux, il y a des moments, des moments avec et des moments sans. Hein. Il y a le Real Madrid qui s'est fait dégager par une équipe improbable dans je sais plus quoi, quel truc. Ça, c'est des équipes qui ont pas besoin d'argent, moi je te parle. Mais justement, donc comment ça se fait qu'elles perdent contre Evian Thonon Gaillard? Mais oui, voilà. National, il y a besoin d'argent toujours, parce que c'est pas. T'as pas un club, t'as pas un investisseur, c'est la Ligue de football qui est dans ce pays-là qui paye. Bon, attends, il y a Sylvain qui est avec nous là pour clore le débat, qui n'a ni qu'une tête comme Toff. Sylvain, t'es là? Ouais, salut. Ça va bien? Tu voulais donner ton avis, toi, vite fait? Ouais, ça va, ouais. Et ouais, je vais donner mon avis, ouais. Alors, t'écoutes. Comme quoi, en fait, un match, en fait, sans preuve vidéo. Non, je comprends rien, Sylvain. Toi, t'as le kit Mali pour le haut-parleur? Bon, non, pose ton téléphone. Non. Est-ce que t'as le téléphone trop près de ta bouche peut-être? Non, ça. Non, là, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu parles comme si je parlais comme ça. On comprend quand je m'en rien, en fait, c'est complètement inaudible. T'as compris ce que j'ai dit ou pas? Le téléphone, pour l'instant, il se fait vieux, le téléphone, c'est pour ça. Il est quoi? Il se fait vieux, le téléphone. Il se fait vieux. Ah bah je confirme, ouais, ça c'est sûr. Moi j'ai entendu il se fait vulve, mais c'est pas possible. Il se fait vulve. Bon, alors en deux mots, Sylvain, là, va droit au but du coup, hein, pour le coup. On peut pas... il faudrait une preuve visuelle que les matchs soient truqués. Oui, non mais voilà. Parce qu'en même temps, tu vois, s'ils avaient été truqués, Nico, ils auraient pu pipoter le match de États-Unis ce matin. Cet après-midi, là, États-Unis-Allemagne, comme ça, c'était 0-0, un match nul, pépère, tous les deux passaient, Portugal gagnait et d'office viré. Pourtant, l'Allemagne a quand même mis un but. Ah, attends, parce que là, en fait, je remercie Sylvain pour son intervention qui était très prolifique. Bravo Nico. T'es pas un aspirant journaliste à deux balles? Ouais, un aspirant journaliste. Bon, allez vite pour terminer parce que je pense que le sujet fait chier tout le monde. Non mais franchement, vous verrez. Non, mais je lui dis ça assez gentiment, je lui dis pas ça méchamment. Vous verrez, il y aura un petit scandale et déjà le mec du Ghana, il a entendu ça, il a déjà réagi un peu. Donc, attends, je vais mettre un post. Bah oui, parce que nous aussi on est des journalistes d'investigation. Comme je suis portugais, je vais dire que le match a été truqué, c'est des enculés, le Ghana, là, je suis sûr qu'ils ont pipoté le bordel, là. Mais en même temps, moi je l'ai lu l'article en travers, j'ai pas tout lu, mais a priori c'est le Ghana qui a été acheté, pas l'Allemagne. Ouais. Non, c'est le Ghana qui a acheté. Ils ont pas d'argent, les Ghanéens. Non, ce sont des mecs qui sont allés voir les gars du Ghana pour truquer le match avec l'arbitre. Mais l'Allemagne, c'est des mecs du Daily Telegraph. C'est l'Allemagne qui aurait dû être achetée, parce que c'est l'Allemagne qui est plus forte normalement. C'est bizarre. De toute façon, c'est un truc qui nous concerne même pas. Il y a de l'oseille. Et puis, de toute façon, le Ghana, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà, de toute façon, ils sont éliminés comme le Portugal et l'affaire est pliée. Bon, bah Nico, bah merci en tout cas. On te rappelle. Bah, tu sais quoi, dès qu'il y a le scandale, on te rappelle, ou tu nous rappelles. Y a pas de soucis. Bon, je veux juste te demander un petit truc. Dis-moi. Bon, je t'ai envoyé ma petite musique habituelle quand je passe à la. Quand je passe à l'antenne, je sais pas si tu l'as reçu. Tu m'as envoyé ma petite musique habituelle. Je t'en envoie toujours une à passer. Ah oui, mais j'en ai déjà mis une, il me semble, non? Ouais, la dernière fois tu m'en as mis une. Ah voilà, il me semblait bien. Bah tu l'as envoyé quand? Ah bah là je t'en ai envoyé une là il y a 20 minutes. Ah bah j'ai pas été voir, bah je vais aller regarder. Je vais aller jeter une oreille, Nico. Vas-y, bah merci. Bon bah je t'en prie. Soir, c'est cool. Eh ben je vais voir ce que c'est, y a pas de problème. Salut à toi Nico, salut à Sylvain également là, du coup il est déjà parti. On va récupérer Mickaël qui est avec sa meuf là et qui galère parce qu'elle veut trop faire l'amour avec lui et lui il en peut plus. Cyprien voulait donner son avis, il y aura également Vincent qui est avec nous de Chambéry. Salut Vincent. Oui, bonsoir. Ça va bien Vincent? Impeccable. Bon, tant mieux. Tu voulais donner ton avis toi dans un instant par rapport à l'histoire de Mickaël? Bah oui, si il a un souci avec sa meuf. Non, attends un instant, Vincent, bouge pas de là. On va faire ça dans quelques minutes. Là, reste avec nous. Restez tous là. On est en direct sur Fun Radio, il est minuit 3. Il y a dans quelques minutes, justement, Thibaut qui va débarquer pour faire le petit canular du jeudi, comme tous les jeudis, évidemment. Et puis, on s'écoute maintenant le son de Kesa, je l'avais promis, tiens. Et hop, on est au cœur de la nuit sans pub également. Bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. Kesa, c'est Hideaway sur Fun. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. Kesa à l'instant sur Fun Hideaway. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct, il est minuit 7 sur Fun Radio. N'oubliez pas qu'il y a toujours le pack football à gagner avec le maillot, avec également le ballon et avec également les chaussures qui vont bien. Tout est officiel, bien entendu. Ça vaut 450€ le pack. Et il faut nous envoyer la bonne réponse à la question. Donc, en quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde? S'agissait-il de 1930, 1940, 1950 ou 1960. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y, il vous reste 20 minutes pour jouer. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la bonne réponse. Envoyez ça au 64-900 et je vous souhaite bonne chance. Et si vous êtes en Belgique, vous envoyez ça au 63-22. La France gagnera jamais la Coupe du Monde. Vive au Brésil. Il y a Club Med qui dit salut la famille. Désolé pour le retard, mais je devais regarder le match des Diables tout en travaillant. Donc me voilà pour terminer ma nuit avec nous. Avec vous, pardon. Bienvenue à toi, Club Med, et victoire donc des Diables. Victoire de la Belgique et match nul de l'Algérie, et donc c'est Belgique-Algérie qui passe en 8e de finale. La Belgique affrontera les États-Unis et l'Algérie, pauvre d'elle, affrontera l'Allemagne. Courage. On sait jamais. Julien qui dit je peux avoir un message de bienvenue Biard, ça fait longtemps que je vous écoute. Oui, si tu veux. Attends, je crois que j'ai ça qui est pas mal là. Espèce d'enculé. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, on l'a bien entendu. Et Julie aussi qui dit les applis que j'utilise le plus, Fun Radio, Facebook, Twitter, Snap, Retrica également. Lorraine qui dit gros dédié à mon chéri, Jonathan qui vous écoute, eh ben on l'embrasse et tout aussi. Lorraine et Corentin qui dit les joueurs n'étaient peut-être pas au top de leur physique et des erreurs par rapport au sujet foot de tout à l'heure. Priscilla qui disait Facebook ou Shazam, Amanda qui disait YouTube, c'était les applications que vous utilisez le plus. Et Christophe qui dit salut la team, moi l'application que j'utilise le plus c'est Facebook et c'est possible d'avoir un message de bienvenue. Faut faire comment pour avoir un pack fun? Bah pour le pack fun, t'envoies un message à sandro@funradio.fr. Et attends, je vais te mettre un petit message de bienvenue. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au gros PD que tu es. Voilà, on fera d'autres appels malveillants tout à l'heure. Et puis on va terminer avec Mickaël et Vincent avant de faire le canular dans quelques minutes sur Fun Radio avec Thibaut. Mickaël, t'es toujours là? Oui, Mika. Oui, ah, Mika est toujours là, c'est parfait. Mika qui nous avait appelé donc parce qu'il est avec une meuf qui veut faire l'amour trois fois par jour, deux fois par jour. Il en peut plus, c'est trop, surtout que ça dure deux heures à chaque fois. Il sait pas comment lui dire. Et il y a Vincent qui est avec nous de Chambéry qui voulait donner son avis également. Salut, salut Vincent. Bonsoir. Salut les amis, comment allez-vous? Ça va et toi? Bah moi impeccable, impeccable. Eh ben bienvenue à toi Vincent, alors on t'écoute. Ben moi c'est pas compliqué, c'est que ben, si c'est son ami là, il n'arrive pas à la satisfaire, ben il me donne son numéro et puis moi je m'en occupe. Oui, mais j'aurais déjà proposé cette solution. C'est ça, c'est ça. Non, c'est juste... Non mais bah, il y a un moment je peux pas concevoir, si on est honnête, de dire aujourd'hui ouais moi je demanderais pas mieux de baiser deux fois par jour, tous les jours pendant deux heures à la fois. Je suis désolé, mais il y a un moment, je pense pas que tu puisses. Enfin, c'est comme tout. Il y a un moment quand tu le fais tout le temps, tous les jours, en fait, autant de temps, t'en es lassé. Non, ouais. non, en fait. Je t'explique. Je t'explique, en fait, je travaille et dès que je rentre à la maison, on a presque les mêmes horaires. Et du coup, j'ai pas eu le temps en fait de faire mes occupations, genre faire ouais, mais ça j'ai compris, ou, mais ça tu l'as dit. C'est le coup de quéquette et si tu veux pas, c'est je fais ma crise et voilà quoi, limite ferme ta gueule, tu me fais ça quoi. Enfin, oui, mais ça, ça, j'ai compris, ouais, ça. Tu l'avais dit tout de suite avant la pub en disant que t'avais plus aucune, tu pouvais plus rien faire parce qu'au final, si tu le fais pas, elle tire la gueule et si tu le fais, ben t'as plus le temps puisque ça dure deux heures à chaque fois, donc c'est un peu tendu. Mais est-ce que c'est peut-être parce que t'es peine à jouir, non? Ah oui, non, mais à jouir, il n'y a pas de souci. Ça, non, je dis, toi, t'es peut-être peine à jouir, c'est peut-être pour ça que ça dure deux heures. Si tu mets deux heures à éjaculer, ouais, c'est un problème à un moment. Hein. Ouais, parce que du coup, tu peux pas tenir les 12 fois par mois, quoi. Non, il y a des moments où ça met un peu moins longtemps, mais c'est normal, mais... Attends, tu sais qu'une relation normale... avec préliminaire, pénétration, tout le bordel, grosso modo, c'est 30 minutes. Voilà, ça c'est normal. Deux heures, mec. En disant, oui, moi je tiens deux heures. Bon, évidemment, parfois je suis un peu plus faible, je tiens un peu moins longtemps, mec, ça doit être du relourdise, mais sans nom, quoi. Même pour les filles. Attends, on a trois filles, là. Attendez, prenez le micro, les filles. Venez. Prenez le micro. Voilà, ça va, Camille? Ça va, oui. Camille, et à côté, c'est qui? Noémie, et... Élise, très bien. Bon, Élise a des croix partout, c'est très bizarre. Ouais. Vous avez quel âge, les filles? 19, 18 et 21, parfait. Donc, alors, quand vous avez déjà toutes couché avec un mec? Oui. Deux heures de relation, c'est quand même relou, non? Oui, bah, surtout quand le mec a... Bon, quand il ressemble à toi aussi, c'est vrai, mais c'est pas cette question que je posais. Oui, mais à quatre pattes, elle le voit pas, donc ça c'est va. C'est vrai aussi, mais il y a un moment... Même elle le sente. Oui, aussi, c'est vrai, ouais. Donc, je peux me laver. Surtout quand la meuf a eu son orgasme et qu'elle doit attendre que le mec finisse... Ah oui, mais voilà. Et mais c'est même pas tant ça. Quand bien même la fille n'a pas encore eu l'orgasme, ou même le mec, je veux dire, deux heures. C'est très long, deux heures. Mais c'est trop long, ah bah Mickaël. Oui, moi je me suis déjà endormi. Hein. Mais oui, mais attends. J'ai pas de problème, hein. J'ai pas de problème à ce niveau-là, en fait. C'est mais si, t'en as... Non. Et bah baisse-la. Mais je la baisse, mais c'est pas quelque chose. Et bah rebaisse-la. Attendez, on entend rien, les deux cons, là. Tu dis? Attends. Écoute, c'est pas ça, c'est juste que Alain demande, alors redemande et plus, bah en fait, donnes. Dès que j'ai fini, et... ben ouais, mais moi j'ai plus de jus. Eh ben brûle-tu de minou, ça lui passera le temps. Mais non, mais tu lui dis non, attends, mais il a cru qu'on était un être humain, mec, pas une machine. Eh oui, mais c'est pas facile. Mais hein, tu crois que... Attends, regarde. Non. Voilà. Moi j'ai pas fait non plus énormément d'efforts pour arriver à sortir. Mes activités, j'ai pas de temps pour mes activités. Je suis pas une meuf, quoi, enfin, voilà, moi je l'aime et c'est compliqué, en fait, c'est ça. Mais non, mais achète-lui des vibros, ça lui passera le temps. Oui, on peut t'offrir un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, ça on peut le faire, hein, c'est pas un problème. Bah oui. On va t'envoyer un œuf vibrant, comme ça tu pourras la. Tu à vois, télécommande. Quoi, à télécommande, donc comme ça t'as même pas besoin d'être à côté. Bah ouais, ça c'est pratique. Tu feras du piano et tes activités de baltringue et tu pourras faire. Non, mais c'est bien. Et donc, Vincent. Oui. Vincent, donc toi, t'as combien de relations par jour? Moi, je peux en avoir 3-4 par jour. Ouais, mais en vrai. Non, mais attends, mais moi aussi, c'est pas le problème. C'est juste que sur le long terme, tous les jours, deux fois par jour, 2 heures à la pièce, il y a un moment, tu peux pas dire, toi, je m'appelle Vincent, oui, moi, j'aimerais bien avoir une meuf comme ça, ad vitam aeternam, on baisse deux fois par jour pendant 2 heures à chaque fois. Ok, aujourd'hui c'est un fantasme parce que tu te dis putain ça doit être cool, ouais, ça doit être sympa. C'est le début, ça va être marrant. Il y a un moment, c'est un peu comme t'as une voiture. T'es content au début, tu vas chercher le concessionnaire, elle est toute neuve et tout, tu pourrais faire le tour de la terre. Sauf que bon, il y a un moment, si tu veux, c'est bon, t'as envie de la rentrer en garage, et rentrer chez toi quoi. Moi je suis pas de la journée, je suis du soir, mais du soir je peux, c'est un truc, c'est indescriptible, c'est interminable, même si j'en vois rien du tout, la meuf, tant qu'elle a envie, et tant que moi j'ai envie, c'est... Ah oui, mais non, mais tant que t'as envie, non mais ça c'est logique, tant que j'ai envie, forcément, mais il y a un moment t'as plus envie. Enfin moi je te dis, après je suis peut-être pas... Je suis peut-être différent, j'en sais rien, dites-moi les mecs, appelez-moi, vous envoyez... Au bout d'un moment, tu peux plus. Ouais, envoyez Mickaël et votre message au 64 900, ou appelez-nous au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, donc pour la Belgique. Mais il y a un moment, enfin je pense qu'il y a un moment t'en as plein le cul quoi. T'as plus envie. Ouais, c'est sans se figurer, bien entendu. Ouais. Oui. Sans être grosse et vulgaire, c'est que tant qu'elle est droite et puis qu'elle est debout, c'est bon. Tu parles de la meuf? Non, moi, oui, peut-être, mais... Tant que l'engin, mais... Ça s'appelle une bise, tu peux le dire. Hein. Ouais, mais, enfin... Tant que la teub, elle est droite, tout, même si j'ai envoyé, j'ai encore envie, la meuf, si elle est encore réceptive et puis qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Je la mets avec un chausse-pied, moi, de... Avec un chausse-pied, avec tout ce que tu veux... Il fait un garrot, hop, et après ça rentre. Non, moi ça me ferait chier. Bon, attends, on va prendre également l'avis de Cyprien qui est avec nous là. Salut Cyprien. Ouais, salut. Salut. Cyprien. Oui. Non. Tu voulais dire quoi toi? Ouais. Bah moi c'est pareil, j'ai eu la même chose, c'est que bon, j'ai pas la même âge. J'ai le même âge que les grands. Ça j'ai bien compris. 12 ans et c'est la même chose. T'as quel âge? 10 ans. 12 ans. Et tu vas me faire croire que tu vas te donner ton avis en disant ouais moi c'est pareil, ma meuf elle veut que j'aille à bout. Mais non, c'est la même chose sauf qu'ils abusaient de moi. C'est-à-dire? Bah en gros, je sais pas, mais quand j'allais à la boulangerie de côté de chez moi, et que j'allais les voir, et puis ils me demandaient tout le temps des bonbons quoi. C'était un peu relou à la fin. Oui. Je vois ce que tu veux dire, moi j'aime bien la comparaison. Moi je trouve la comparaison elle déchire. Ouais, c'est vrai. T'as bien fait d'appeler Cyprien. C'est vrai que c'est une comparaison qui est quasiment identique. Bah, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ils abusent, ils demandent des bonbons tout le temps. Au bout d'un moment, ils peuvent plus en donner. C'est normal. Tu te fais racketter quoi. Ouais, c'est comme le sperme. Bah voilà, c'est ça. Voilà, au bout d'un moment, il y a plus de jus quoi. Mais oui, voilà, le bonbon, le sperme, c'est même combat. Cyprien, ouais. Tu es dans quel asile s'il te plaît? Comment? Tu vas suivre le monsieur en blanc. Il te veut du bien. Ne t'inquiète pas, c'est pas un problème. Mais tu... Non mais Cyprien, t'es sérieux là? Oui. Bah oui, ouais, mais bien sûr, quand il va chez le boulanger, on emmerde avec ses bonbons, avec c'est le pareil. C'est un rapport. Au standard, on me demande de rectifier un petit point, ce sont des filles qui lui demandent des bonbons, c'est pour ça que... Il y a un point de comparaison. Cyprien, tu découvres, après, te demande des bonbons, ensuite avant de demander des cadeaux, et puis après avant de demander une maison, et puis avant de casser les couilles pour 40 ans. Et après, elles vont te sucer jusqu'à la moelle, et puis elles te vireront. Tout à fait. Je t'inquiète pas, hein. C'est pas la première fois. Hein. Ah bon, bah alors ça me voilà rassuré. Mais... Bon, n'oublie pas Cyprien que c'est toi l'homme, hein. C'est toi qui décide. Bon, ça marche. Salut Cyprien. Ouais, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bah vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Qu'est-ce qu'il est doux. Ah oui. Je fais une petite dédicace à ma dernière chérie que j'ai eue là. Oh là là là là là là. T'es resté combien de temps avec? Elle est belle ou pas? Bah elle est bonne. Mais elle avait déjà un peu les seins qui pointaient ou pas? Tof, s'il te plaît. Tu crois quoi, toi? Cyprien, réponds pas, reste encore romantique. Voilà, c'est ça. Mais t'inquiète, je peux te dévoiler tous mes secrets, moi. De toute façon, t'es un gentleman, toi, Cyprien, ça s'entend, non? Quoi? T'es un gentleman. T'es un peu de Georges Poulet, quoi. Ouais, mais tout jeune, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, t'es un peu le George Clooney, classe, costard et tout, là. Ouais, un peu comme ça. Ah bah ouais, bah ça m'étonne pas, tiens, on a reconnu ça à la voix. Bon bah Cyprien, allez, salut à toi. Salut à vous. Ciao Cyprien, allez, merci d'écouter Fun, ciao à toi. Merci Vincent d'être passé, tu reviens quand tu veux aussi. Y'a pas de soucis. Salut à Chambéry. s'il y a des amatrices pour me connaître, ben vous leur donnez bien mon sûr, numéro. J'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Allez. Allez, bisous. Salut Vincent, ciao à toi. Bon Mickaël, écoute, montre que c'est toi qui que c'est toi qui porte la culotte, merde. Tu quand t'as pas envie, point, c'est tout. Bah écoutez. Bah dis-lui où tu veux qu'on l'appelle. Ouais, moi, dis... Vas-y, non, on l'appelle, non, on l'appelle. Non, moi je l'appelle si tu veux, hein. Y a pas de problème. Attends. On l'appelle, on pose des couilles sur la table et on en parle plus. Mais oui, voilà. Non, c'est pas ça, c'est Cador et puis voilà quoi. Enfin. Eh ben, tu sais quoi, tu vas la réveiller, tu dis ah j'ai envie de baiser. Mais voilà. Et tu si elle veut pas, tu dis attends, t'es sérieux là. Mets lui des somnifères dans sa bouffe et tu la fais dormir. Dès qu'elle arrive, paf. Il y a eu un truc qui s'est produit, c'est qu'en fait c'était un soir, j'étais chez elle un week-end et en fait elle a un sommeil très très très spécial, c'est qu'en fait sans m'apercevoir, j'ai cru qu'elle était éveillée, elle arrêtait pas de me flotter tout ça et en fait j'étais en train de faire l'amour avec un zombie qui dormait. Oui, mais c'est peut-être parce que effectivement elle est, comment on appelle ça, on la, la sexsomnie. Non, mais elle est peut-être merde quand tu te lèves la nuit, mais qu'en fait tu dors encore. Bah, somnambule. Somnambule, bah c'est ça. Et la sexsomnie, c'est ça. Oui, mais bah, bon, t'es somnambule. C'est somnambule du sexe. Oui. Ah, mais c'était bizarre, hein, franchement. C'est pas, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive avec. Arrête de te plaindre, mec. Toi, tu vis tous les trucs intéressants là. Non, la meuf, elle va se faire baiser. Tu es là la nuit, tu fais pomper le dard et tout sans rien demander. Ça, c'est beau ça. C'est-à-dire que t'as le rêve de tous les hommes et tu te plains. Ouais. Non, moi, je me mets à sa place, franchement. Non, mais attends. Je vais faire du piano. C'est parce que vous êtes des pipes, des mythos. Attends, tu veux te mettre à ma place. Ok, bah, tu me donnes l'antenne et puis toi, tu vas faire. D'accord, non, ça va. D'accord, Mickaël, viens. Ouais, c'est ça. Non, mais vous êtes des mythos parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de faire les malins là en disant ouais, moi, j'aimerais bien. Je suis sûr que si vous aviez une meuf qui vous demandait 4 heures de votre temps par jour, ramène-moi la salope là. Ouais, c'est ça. Que la salope arrive, je vais la baiser là en direct live. Bah c'est certainement en lui parlant comme ça qu'elle va venir. T'as raison. Il la baisera pendant 3 heures d'émission désormais. J'utilise Toff en tant que coussin comme ça et paf, je la baise ici devant c'est vous. Ça, c'est ça. Envoyez-moi vos photos à polo@radio.fr. Surtout vous les mecs, n'hésitez pas. Bon, Mickaël, dis-lui quand t'as pas envie, tu lui dis non, j'ai pas envie. Quand t'as envie, tu dis j'ai envie. Et puis voilà, ça marche dans les deux sens, c'est comme ça, c'est pareil. Et puis merde, il y a un moment, t'es pas son objet quoi. Mais ouais, affirme-toi. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, moi je vous rappelle d'ici. D'ici 2-3 mois pour vous donner des nouvelles, comment ça se passe. Déjà, tu peux nous appeler d'ici 2 semaines, hein, pour voir déjà comment ça s'est passé. Ouais, parce que vu que si tu baisses 2 fois par jour, il y a un moment, d'ici 2 semaines, on verra s'il y a eu un petit mieux ou un petit. Ah, et puis, j'ai aussi je devrais pas le dire parce que bon, voilà, je voulais pas genre. Voilà. Eh bah, dis pas, elle est enceinte en fait. Je t'ai rien demandé. Elle était enceinte aussi. Eh bah, bravo. Eh bah, voilà. Tu vas être tranquille. Ah, bah, en même temps, pas forcément. Hein. En même temps, mettre 2 cartouches par jour, ouais, si tu veux, c'est normal. Hein. Eh mais mec, vas-y mec, profite, sois heureux. Payer, hein. Ah bah oui, ça ça paye, hein, mais non, ça, c'est mais clair. Profite bien parce qu'au bout d'un moment tu pourras, elle pourra plus, donc ouais, tu seras tranquille. Bah, elle pourra pas aussi, elle pourra quasiment où tu peux. Bah oui, bah, oui. Pas de soucis. Bien sûr, faire des activités là. Bon allez Mickaël, bon tiens-nous au courant, ok. Petite dédicace avant je peux ou pas. Allez, vas-y en speed Mika. Okay, une personne, bon, choisis la bonne. Ok, bah dédicace à toute l'équipe de Fun Radio, voilà, donc vous êtes super et merci de donner de l'ambiance tous les soirs, voilà. Eh bah c'est gentil Mika, merci beaucoup. Passe une bonne nuit. Merci. Et bonne bourre, hein. À plus tard. Salut à toi. Ciao. Allez, à toi. Bon, la peau la bourre avec le canular, on va le faire dans quelques minutes, restez bien sûr Fun Radio. On aura Jimmy dans quelques instants, salut Jimmy. Jimmy, salut toute l'équipe. Ça va bien? Bah ça va un peu aller, ouais. Bon, tu vas nous donner de nouvelles à base de quoi dans un instant? Bah, je suis passé la semaine dernière pour ma meuf qui avait trouvé mon profil Badou, etc. Oh là là, oui, parfait. Bah, tu vas nous expliquer dans quelques minutes comment ça s'est passé, d'accord? Pas de soucis. Bon bah reste avec nous, il y aura Maxime et Calvin pour parler des applications, on aura les appels malveillants. Jason qui dit Polo, tu me tues avec ton discours pour appeler les salopes. Non mais n'importe quoi. Aria qui dit ça m'est arrivé pendant des nuits de le faire 6 à 8 heures d'affilée avec des pauses bien sûr, mais la vidange régresse à force. Bah oui, ça mieux c'est une voire deux fois par jour, ça suffit. Et même c'est beaucoup quand même. Mais oui. Il y a le Cyprien aussi qui dit salut, je veux bien un message de bienvenue, tu veux faire enculer allez. Laisse-toi te faire enculer. Ah oui, toi tu choisis Doc 85. Alors attends, parce que monsieur veut un message de bienvenue particulier. Attends, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est celui-là? Dis donc, j'espère qu'on l'a pas perdu. Ah si, voilà. T'as envie de te faire enculer? Hein? Hein? Voilà. Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Mais Allez, fais-moi moi ton cul. Voilà, minuit 23 sur Fun Radio. Vous restez tous là, on va se faire le son de Syndicate of Flow maintenant avec Got It. C'est quoi? C'est Got It to Like It. Et puis bah juste après, on reposera pour la dernière fois la question pour repartir tout simplement avec le pack foot qui vaut 450 €. Je vous en parle juste après sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat. Le son de Syndicate of Flow sur Fun Radio. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est la dernière fois que je vous repose la question maintenant. On tire au sort dans 3 petites minutes. Quelle est donc l'année où il y a eu la toute première Coupe du Monde? C'était en Uruguay d'ailleurs. S'agissait-il de 1930, 1940, 1950 ou 1960? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique. Et je vous tire au sort dans même pas 3 minutes maintenant. Donc en quelle année y a-t-il eu la première Coupe du Monde de foot? 1930, 40, 50 ou 60? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900. Et puis bah si vous êtes tiré au sort, ce sera pour vous le pack à 450 € avec maillot de foot au choix, avec chaussures de foot au choix aussi, il y en a 3. Et avec ballon de foot, là, au choix, il n'y en a pas, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc, tout est officiel FIFA, bien entendu. À vous de jouer, ça vaut 450 €. C'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Voilà, il y a Mathéo qui dit « Salut, j'écoute l'émission depuis pas longtemps et c'est la première fois. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît? Et comment on vous contacte par téléphone ?» Bah, Mathéo, alors, t'as un peu le choix, si tu veux, pour nous appeler. Soit t'appelles 01 42 48 5000, soit t'envoies Mickaël et ton message par SMS au 64 900, soit tu, là, comme là, tu l'as fait par Facebook, ça marche aussi, tu tapes Mickaël officiel, soit tu tapes hashtag Mickaël sur Fun sur Twitter. S'il y en a qui n'arrivent pas à nous joindre, franchement, vous le faites exprès. Oui. Bah, il reste les signaux de fumée, mais on capte pas bien dans le on studio. On capte pas bien, effectivement. Ouais. Mickaël, t'es la seule personne du monde à supporter 3-4 équipes. Oui, alors je t'explique pourquoi. Parce que je suis belgo-portugais. Ma mère est belge, mon père est portugais. Donc automatiquement, je supporte les deux équipes. Et puis, je travaille en France. Donc je supporte l'équipe de France aussi. Et voilà. Et toi, tu es algérien? Trois équipes. Non, je supporte trois équipes. On pouvait pas dire mauvais perdant aussi? Pourquoi? Parce que tu supportes trois équipes. Oui, c'est ça. Pour être sûr qu'il y en a toujours une qui gagne. Non. Regarde là, il reste plus que. Bon, il reste la Belgique et la France, c'est vrai. Ah, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, après, c'est 9 chances sur 10, il n'y aura ni la Belgique ni la France. On va encore se taper un Argentine-Brésil ou un truc comme ça. Note, c'est une belle affiche. C'est pas mal, c'est déjà. Une belle affiche. Mais voilà, non, c'est juste que. Mais c'est une bonne raison. Mon père est belge. Mon père est portugais, ma mère est belge et je travaille en France. Donc je supporte trois équipes. Voilà. Mais c'est oui. Tout. Pas plus compliqué bien que sûr. Ça. Les filles, vous supportez quelle équipe, vous? Italie. Italie. Et à côté perdu. France, et encore à côté. Il y a encore une petite chance. Attends, parce qu'on l'entend pas, on déjà, pas alors, Camille, on l'entend à peine, parce qu'il est puis après. Aucune. Non, mais il y a bien un pays que tu supportes. Un peu la France, mais bon. Un peu la France, mais sans plus. Mais on soutient l'équipe qui gagne. Ouais, voilà. Ouais, avec toutes ces croix, tu soutiens pas le Vatican? Pas qu'il y ait d'équipe. Ah, il se pourrait en que. En soutane. Ouais, peut-être. Elle a même. Attends, c'est impressionnant parce que moi, c'est ce genre de truc me fait peur à chaque fois. Elle a même aux oreilles des doubles croix. Ça ah oui, putain, que, on n'avait pas vu si ça. Si tu vois pas la grande, il y a la petite qui est incrustée dans la grande. Oui, c'est vrai, j'avais pour pas aider vu. Polo, on va faire comme ça. De quoi? Ah, on va lui cacher le visage avec une feuille blanche. Ouais, c'est ça. Il y a Romain qui. Ah non, ça je l'ai un joli visage. Et Mathéo qui voulait un message de bienvenue. Bah tiens. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, Julien qui toffe est un cas assez. Trois petits points particuliers. Et encore. Hein. Mister Steven qui dit Cyprien, il m'a tué avec son explication. Oui, c'est sûr. Et j'aimerais mon message de bienvenue, s'il te plaît, parce que je l'ai demandé plus de 10 fois sur Twitter. Ça passe inaperçu. Et pourquoi Elliot et toi êtes les têtes de turc d'Ambrulo de la radio et de Mickaël? Ah, c'est par rapport à Toff? Bah, Elliot, je sais pas, mais. Tof, c'est parce que c'est tête de con. Voilà, de turc, ça quoi, voilà. J'ai coupé la tête. Et puis je peux pas être turc et algérien, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Il peut pas être tout non plus, c'est évident. Bon, avant de tirer au sort, maintenant, on va se faire les appels malveillants, là, toujours à base de masturbation, puisque nous sommes tombés sur une enquête très sérieuse qui disait qu'il était important de se masturber au moins, enfin, d'éjaculer au moins 12 fois par mois pour éviter d'avoir un infarctus. Bah oui, c'est. Voilà. Ah moi ça va, je remplis mon quota. Moi je me branlassais, donc il y a pas de problème. Bon tant mieux. Allez c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, ça sonne. Bonne nouvelle. Encore faut-il que ça décroche évidemment. Puis il y aura Calvin, Maxime, Jimmy, Jawad aussi à suivre. Allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Allô. Oui bonsoir madame. Oui. Oui voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir combien de d'éjaculations a votre mari par mois. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Pas du vous tout. M'appelez pour me déranger pour ça? Bah, je vous dérange pas, madame, je vous pose juste une question. Allez vous faire foutre. Oh, non, madame, enfin... Elle n'est pas très gentille, hein, elle n'est pas très ouverte au dialogue. Mais... Bon, c'est pas grave. Un peu fermé même. Oui, bon, on va même la rappeler, attends. Voilà, c'est parti, on y retourne. Oui. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Et en fait, je voulais savoir combien de fois par mois vous éjaculez, monsieur. Bah, certainement plus souvent vous, monsieur. Oui, mais c'est pas la question que je vous pose, monsieur. Bah, moi, je vous réponds de cette manière. Bah, non, parce que moi, je vous ai demandé combien de fois, monsieur. Et pour quelle raison vous voulez savoir ça? Bah, pour savoir, monsieur, c'est tout. Bah, moi, je compte pas. D'accord, mais à peu près. À peu près, je compte pas. D'accord, mais ça fait combien en moyenne? Ouais, j'en sais rien. Je sais pas compter. Ah, vous savez pas compter? Non. Ah oui, c'est ça le problème alors. Ouais, c'est ça le problème avec bah moi. Bah oui, forcément, si vous savez pas compter, alors on n'est pas aidé. Bon, bah très bien, monsieur. Bah, une bonne soirée alors. Ouais, vous de même. Au revoir. Bonne branlette. Ah. Connard. Bonne branlette, connard. Oui. On le rappelle du coup? Bah oui, il faut que je m'excuse un peu. Bah oui, c'est ça. Ça se fait pas de me dire des trucs comme ça. Ah bon, c'est quand même mal. On appelle malveillant, certes, mais. À sens unique. Oui, allô? Oui monsieur, c'est pas très gentil ce que vous venez de dire. Ah, c'est le chien qui a essayé de communiquer. Oui, c'est original, hein. C'est très original avec le chien. Ça n'a pas bien marché. Non, ça a pas bien marché, t'as remarqué aussi toi. Bon, on va terminer avec les appels par rapport aux applications que vous utilisez là. Je vous avais demandé ce que vous utilisiez comme application. En tout cas l'application que vous utilisiez le plus, puisque nous sommes tombés sur une application magnifique qui s'appelle Fartcode, F-A-R-T espace code, hein, comme un code, C-O-D-E. Que donc vous utilisez, vous scannez le produit que vous allez manger, ça vous donne le nombre de pets qui va vous. Un peu comme les calories quoi. C'est le nombre de pets qui vous pend au cul. On peut voir ça comme ça en effet. Bon, du coup, alors Calvin est avec nous de Reims. Salut Calvin. Salut. Ça va? Ouais, ça va et vous? Bah ça va, tranquille, bienvenue à toi. C'est quoi l'application que tu utilises le plus toi? Bah moi c'est pas vraiment une application en fait, c'est un site. C'est quoi? C'est YouPorn. Ah oui, oui. Calvin, je le connais bien celui-là. Est-ce que c'est pas interdit au moins de 18 ans YouPorn? Bah si, y a un gros pavé qui apparaît mais... Ouais, c'est interdit au moins de 18 ans. Ah d'accord, ok. Et c'est ton site préféré toi? Ouais. Eh ben bravo. Ouais. Eh ben bravo. Et donc du coup toi t'es tranquille, l'avantage au moins c'est que tu te branles au moins 12 fois par jour, 12 fois par mois pardon, donc résultat tu risques pas l'infarctus quoi. Ah plus que ça. Ouais, donc t'es tranquille. Au niveau de l'infarctus on est tranquille avec Calvin. Non et puis sur YouPorn il y a du stock. Hein. Ah ça c'est clair. Attends, il y a Maxime aussi qui est avec nous là de Seine-et-Marne. Salut Maxime. Salut Maxime. Ouais, moi je m'aime tellement, je me salue moi-même. Dorénavant je dirais salut Mickaël à tout le monde. Ça va Max? Bah oui, moi ça va. Oh le rire de doux. Ouais, toi t'es un doux toi. Bah oui. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est et bien. Il est fier en plus. Ah bah oui. Bon. Tu te rappelles pas de moi, le doux con là. Ah, t'es toi le doux con. Ah oui. Suis-je bête. Bon, alors c'est quoi ton application que tu utilises le plus? Bah moi c'est Facebook, Snapchat et Xena Poker. Ah tu fais du poker toi? Ouais. Toi t'es un sale doux qui fait du poker. C'est dingue ça. Tu c'est pas mal. D'où est-ce que vous avez des salles de jeux clandestines? Bah pas vous moi, avez des quoi. Casquettes, vous fumez des cigarettes en chocolat et vous buvez des... Non, pas en chocolat. Du champomis. Du champomis 0%, exactement, bien sûr. Ouais. Et d'accord, ok. Ah, donc des trois applications, c'est ça tes préférés. Très bien, bah, merci le doucon. Ouais, je peux passer une dédicace? Bah bien sûr, t'es doux, t'as droit à deux même. Ouais. Alors une dédicace à Enzozi qui m'écoute. Ouais. Et à sa page... Tom CH et M2Z. Ah tu salues une page toi, tu fais une dédicace à une page. Ouais. Non mais c'est pour lui et une dédicace à vous. D'accord, bah c'est cool. C'est... Merci le doucon. Oh. Et tu fais pas une dédicace à la page Mickaël officielle? Ah bah non là il veut pas non, c'est un enfoiré. Bah, c'est un sale doux. Aussi. Ah bah quand même, bah heureusement. Bon salut Maxime, salut Calvin, merci d'avoir appelé. Je peux passer une dédicace? Bah vas-y aussi en speed, bah, vas-y. Si lui peut, bah une personne. Bah mes deux potes qui m'écoutent, qui se reconnaîtront, Rodrigo puis Alain Pain. Je sais pas ce que ça veut dire une personne. Ah ouais c'est le doucon hein. Et je peux passer, est-ce que ce sera possible d'avoir un pack fun? Oui tu vas gérer ça avec Sandro, standard, je te la repasse okay, Calvin. Salut à toi Calvin. Ciao à toi, on pourrait l'appeler le doux gendarme. Ah il est bon hein. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire ça, ah, il garde à vous, enculé. Papier du véhicule. Un papier du véhicule, papier de doux. N'importe quoi, bon le doucon. Ouais. Allez bonne nuit. Merci à vous. Et n'oublie pas qu'on est là de 20h à minuit toute la semaine prochaine et toute la semaine d'après aussi d'ailleurs. Ouais, d'accord, t'inquiète, moi je renvoie quand ça biscarrosse. Ah bah tranquille, déjà, bah profite. Tu vas pouvoir nous écouter ou pas? Bah oui. Bon bah c'est parfait, alors c'est principal. Salut Maxime. Salut. Allez, ciao à toi. Bon, restez bien sur Fun Radio, hein. On va appeler maintenant le gagnant foot. Là, c'est parti. Celui qui va repartir ou celle qui va repartir avec le pack complet qui vaut 450 €. Le maillot, le ballon et les chaussures de foot. C'est parti, on y va. Allô, oui. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, allô. Bonjour, bonjour. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles? Sébastien. Salut, Sébastien. T'as quel âge, dans quelle ville? Oh, moi, j'ai 35 ans, je suis de Nantes. Très bien, et eh ben le Nantais, est-ce qu'il a la bonne réponse? En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de football? En 1930. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Eh ben ça te fait le pack complet, la totale offerte par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Il y a dans la totale évidemment les chaussures de foot avec crampons, tout ça, etc. Il y a également le ballon de football. Et puis il y a le maillot au choix. Tu veux quelle équipe, dis donc? Eh ben ça va être spécial là, je voudrais l'équipe qui gagne la Coupe du Monde de cette année. D'accord, bah on va attendre alors. Bah voilà. Bah voilà, bah écoute, on va mettre ça avec la petite Astérix, hein. Pas de problème. Donc toi t'es supporter du gagnant. Du gagnant quoi. Bah il a raison. Oui voilà. D'accord. Comme ça, je suis sûr de gagner. Oui, oui, on peut voir ça comme ça. On n'est jamais perdant comme ça et ça c'est beau. Eh bah écoute, il n'y a aucun problème, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, je te la repasse. En tout cas, bravo à toi, le cadeau vaut quand même 450 €, donc félicitations. Hein. Ah merci à vous, hein. Et puis bah je vous écoute depuis quelques années maintenant. Et bah, c'est je vous suis, puis... et bah c'est encore plus cool. Longtemps. Ça fait plaisir de faire plaisir à des fidèles, il n'y a pas de problème. Merci à toi en tout cas. Allez, bon courage à vous. Salut, t'inquiète. Merci. Ah bon, on va pas avoir besoin de courage, on va se faire le canular dans quelques minutes, donc je pense qu'il va être. J'espère qu'il va être lourd. On est un peu en retard là. Je vais vous écouter. Bah écoute, tant mieux. Bah j'espère en tout cas qu'il va être lourd. On fait ça dans quelques minutes, donc restez bien là, ce sera avec Thibaut. Salut à toi, à bientôt. Salut. Allez, ciao. Bon, on se met le son de Sander Van Dorn maintenant sur Fun Radio. C'est avec Martin Garrix, on écoute, c'est Gold Skies, on est au cœur de la nuit sans pub, il est minuit 38. Il y a Thibaut qui va débarquer avec le canular et il y a Caroline qui, je vous écoute tous les soirs, ne changez rien, vous déboîtez tout. Merci Caroline. Une vanne à propos de déboîter, Caroline? Quand je déboîte trop tard. Sander Van Dorn à l'instant sur Fun Radio, c'était Gold Skies. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, alors bienvenue si vous venez d'arriver. Et si vous aimez Jean-François, alors Jean-François vous connaissez, hein, mais qui se branle tout ça. Ah hier. Oui, c'est cette grande star. Et quand vous imaginez, bah, vous pouvez voir en exclu total la photo de la vidéo même de Crystal et de Vanessa. Oh. On vient de la mettre sur le Facebook et le Twitter de l'émission, donc allez la voir, partagez-la et voilà. Voilà. Ah oui, c'est deux belles cochonnes. Ah bah deux belles cochonnes, deux belles salopes. Donc allez voir, facebook.com et Twitter également, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'émission. D'ailleurs, si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre. Vous tapez également la Mickaël officiel, vous verrez Jean-François, enfin, vous entendrez Jean-François et vous verrez Crystal et Vanessa. Allez jeter un œil, du coup, ça peut être pas mal. Bon, on va également récupérer Jimmy dans un instant qui veut nous donner des news. Souvenez-vous, il nous avait appelé il y a quelques jours, une semaine même, pour nous dire que bah il était avec une meuf et que sa meuf est tombée sur son profil Badou, ouais. Et que du coup depuis c'est le bordel, donc voilà, on va en parler, il va donner des nouvelles dans quelques minutes. Et puis là on a Thibaut qui est avec nous pour faire le canular du jeudi. Salut Thibaut. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bah ça va super depuis dimanche. Eh bah oui, ah oui, c'est vrai qu'il est passé nous voir dimanche dernier à Marseille. Eh oui. Bon Thibaut, donc du coup nouvel auditeur, Polo m'a dit là tout à l'heure là. Ouais c'est bah, ça. Comment ça fait que t'écoutais pas avant? Bah parce que j'y avais pas pensé, mon frère il m'a fait découvrir l'émission dimanche dans le studio. Ah bah voilà, ah donc t'avais jamais écouté? Non. Très bien. Juste un détail, si lui t'a fait venir dans le studio, il écoute l'émission lui? Ouais de temps en temps. Ah mais là il va griller direct le coup de Michel. Bah non je pense pas. Il écoute de temps en temps, vu qu'il bosse en ce moment, Richebois, tout ça, donc je pense pas qu'il écoute. Enfin, il écoutait au début. Mais écoute, on peut essayer après, hein, mais si il grille le truc, c'est mort. Hein. Ok, ce sera perdu. Ah bah, ça sera perdu pour le coup. En plus, ce serait dommage parce que là, il y a un casque Beats by Dre à gagner et il y a également, un maillot de foot, il y a des chaussures de foot ou même les ballons, donc après, à voir. Okay. On va d'abord voir si tu es bon et après, on avisera. Comment s'appelle ton frère? Thomas. Ok, d'accord. Quel âge il a? 23. Bon, très bien, on va lui faire croire quoi? Eh ben, on va lui faire croire que j'ai parié sa paye de DJ, donc 1300 €. Ouais. Sur la qualification 8e de l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. Que les losers. Ah ouais, t'es un bon, toi, t'as choisi les meilleurs. Ouais, que ceux qui ont perdu. Ouais. Non, bah, franchement, à la base, c'est vrai que avant la compétition, tu voyais Espagne, Italie, Angleterre, tu dis, ouais, bon, ils vont passer, ouais. Tu vois, au moins 8e. voilà, c'est les favoris, ils vont passer, etc. Bah finalement, c'est les trois qui sont dehors, tiens. Bon, d'accord. Et donc, ah oui, donc du coup, tu vas faire croire. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse croire donc que je suis le bookmaker. Et que bah forcément, il va falloir que tu payes, quoi, puisque t'as perdu. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Bah ça paraît pas mal. Très bien. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est ça. On va donc l'appeler maintenant. T'as un pote qui l'aime pas? Ouais. Enfin, qui l'aime pas, qui connaît pas trop, ouais, qui me parle un peu mal dessus, ouais, Jérémy. Jérémy, d'accord, ok, très bien. Pourquoi il lui parle mal dessus? Bah je sais pas, il aime pas trop, il dit que c'est une mauvaise fréquentation. Enfin. Bah oui, là pour le coup ça va lui coûter 1300€, donc effectivement ouais, ça va être une très mauvaise fréquentation, ouais. Bon, d'accord, ok. Bon alors on va là, donc t'as fait les paris au bahut. Jérémy et donc mon frère, en l'occurrence, m'épaulait au bahut pour récupérer l'argent. Il m'a dit que t'avais pas payé, comme par hasard t'as perdu, et que bah voilà, maintenant il faut payer, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, non. Il m'a dit que tu lui avais demandé si tu pouvais payer plus tard. Ouais, voilà. Ouais. Et maintenant qu'ils ont perdu, bah t'essaies de te débiner, ce qui évidemment n'est pas du tout au goût de Michel, le frère de Jérémy. Très bien. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Donc, on va pas dire 1300€ parce que ça fait un peu gros, mais je pense qu'un petit 900€ paraît pas mal. Ça fait gros quand même. Hein. Mais au moins c'est pas toute sa paye, tu vois. On n'est pas des enfuis, on n'est pas le fisc. Hein. On va pas tout pomper, quoi. Juste un petit peu. Donc on va dire 900€ et il va falloir payer directement, bien entendu. Bon, très bien. On va dire côté chez moi, donc côté chez Michel et chez Jérémy, et côté venu pour essayer d'arranger un peu les bidons. Sauf que bah forcément, moi je suis totalement fermé. Je veux mon argent et rien d'autre. Ok. Ça ok. Bon, eh ben c'est parfait. Eh ben on y va, on l'appelle ? Ça marche, pas de souci. Allez, sois bon. Ouais. On y va. Ça va le faire. Bah j'espère pour toi, ça. Oui. Allô ? Ouais, Thomas ? Oui. Ouais, c'est Thibaut. Déjà, il joue pas mal. Ouais, il s'est mis dans l'ambiance, là. Ouais, il joue bien dans l'ambiance. Ouais, Thibaut. Oui. Pourquoi tu m'appelles un inconnu, Thibaut ? Bah parce que je suis pas, mon téléphone il bug là, et puis je suis chez un pote là, c'est pas mon téléphone. D'accord. Je t'appelle parce que je suis dans la merde là. Je suis chez Jérémy, tu sais qui c'est ? Oui, ton collègue là. Ouais, lui que t'aimes pas. Oui. Et en fait, au bahut, avant la... Putain, je... Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut ? Avant le... Les vacances, mauvais, hein. J'ai fait un pari sportif. Évidemment, ils nous entendent pas là. Hein. J'ai regardé qui c'était les favoris de la Coupe du Monde. Oui. Donc j'ai vu l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Et j'ai parié à Michel, le frère de Jérémy. 900 euros. Michel, c'est le frère de Jérémy, tu le connais pas. Enfin bref, c'est un des caïds de Pélissane. Oui. Et j'ai parié 900 euros que l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, ils iraient en 8e. Mais, et alors, et les sous, ils sont où? Ben justement, j'en ai pas, parce que j'étais persuadé. Tu travailles pas, Thibaut, qu'est-ce que tu paries des trucs comme ça? Mais oui, mais je pensais que t'allais m'aider avec ta paye du réchauffement, moi. De quoi? J'espère pour toi qu'il va t'aider, là. C'est qui, ça? Il met la pression, mais c'est Michel, il met la pression depuis tout à l'heure. Il n'y a pas la pression, quand on parie, on assume derrière, c'est tout, là. Mais Michel, mon frère, il comprend rien au foot, il sait même pas ce que c'est, la différence entre un ballon de rugby et un ballon de foot, c'est un minot. Passe-moi Michel, je vais lui expliquer que le foot, c'est pas... Je vais éviter pas, qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est pas grillé. Ouais. Allô ? Oui, bonsoir. Ouais, c'est qui ? Thomas, le frère de Thibaut. Ouais, salut Thomas, le frère de Thibaut. Bon, apparemment, c'est toi qui as payé l'addition, là. Quoi ? L'addition, là, il va falloir payer l'addition. Il a misé 900 euros sur la victoire de l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Alors, pas de chance, ils ont perdu, donc moi, je veux mon argent, hein. On va être correct, Michel. Ouais, bah voilà, on est en correct quand on parle quelque chose. Ouais, non, mais quand on joue... Premièrement, moi, je vous vois, d'accord? Ouais, peu importe, moi, je vous vois l'argent. Non, j'ai rien à foutre. Écoute, bon, les choses sont claires. Il a parié, quand tu joues au loto, tu mets de l'argent, t'as payé, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un minot, il a parié une fois, il a pas d'argent. Bah toi, t'as de l'argent, toi. Mais moi, mais non. Si, il m'a dit que tu travaillais, donc là, il va falloir payer. Écoute, 900 euros, c'est ce qu'il avait misé, je suis désolé. Il aurait pu en gagner 2700 si ça avait gagné. Bon, bah là, c'est pas de bol. Eh ben, écoute, Michel, ce qu'on va faire, on va faire les choses correctement. Ouais, bah tu vas me payer, et puis après, puis voilà, ça c'est juste pareil. Dans 5 minutes, je suis chez moi, tu viens avec mon petit frère, il y a maman à la maison. Il y a ma mère, il y a sa mère à la maison, on en discute. Non, moi je me déplace pas. Non, attends, t'as cru quoi? Que j'étais le service de livraison là, que j'allais le ramener, tout ça, que j'étais autobus? Mais c'est pas le truc d'autobus, c'est que c'est Mino, qu'est-ce que tu... J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à caler. Écoute, il doit me payer, c'est tout ce que je veux. Il est venu ici chez mon frère, pour essayer de trouver une solution. Et donc, il y a un moment, il faut quand même pas déconner, quoi, je veux dire. Tu restes correct jusqu'à maintenant. Ouais, bah reste correct, ouais. J'en ai rien à foutre, moi je veux l'argent, moi je veux pas. Non. Écoute-moi bien, moi je suis des planchettes, moi. Mais c'est qui ce plancher? Mais je m'en bats les couilles, mais il est... C'est pas le plancher, c'est les planchettes. Écoute-moi bien. Tu viens à la maison, on en discute, y'a aucun problème. Non, je viens pas à la maison, moi, je suis Michel des planchettes. Fais-moi juste l'avance. Mais quelle avance, mais qui est fou? Rentre à la maison maintenant. Maman, elle va te mettre une rousse, mais je peux pas. Et moi, je vais t'en remettre une. Et le Michel, mon gars, qu'il aille se faire enculer. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, les gens. Tu lui dis qu'il va se calmer direct, sinon je lui en mets une aussi. Je prends 900 euros et je lui mets le plus la TVA, là. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Parce que tu crois que j'avais pas mis le haut-parleur pour essayer de vous foutre de ma gueule derrière mon dos, là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles comme ça, mon petit frère? Non, je parle pas à ton petit frère, je te parle à toi, moi. J'ai pas besoin d'attaquer les plus petits, hein. Non, moi je me déplace pas, moi. Non, moi je me déplace pas, j'ai rien à foutre. Moi je suis Michel des planchettes. Mais Michel, je t'encule, Michel, je te retourne, je t'encule. Écoute, dis pas des trucs comme ça, je suis pas homosexuel. Bon, si t'as des... Écoute, attends, moi si homosexuel, ça me dérange pas, je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ton cul. Mais moi ça m'intéresse pas. Oh putain, je vais l'attraper, je vais le filtrer. Bon, écoute, je te repasse ton frère. Thibaut, là. Bon, je te repasse ton frère. Dis-lui qu'il a un accent de merde, d'accord? Et qu'il a intérêt à se calmer, sinon je vais m'énerver. Parce que je reste calme jusque-là, mais ça va pas durer. Je vais le tuer. Avec son accent de merde, là. Son accent pourri, là. Je vais le tuer. Thomas, putain. Je te demande juste 900 euros. 900 euros, tu gagnes, quoi. Bon, dis donc, sinon quand il aura fini de te faire la morale, là, il peut la faire peut-être ce soir à la maison, moi j'aimerais bien récupérer mon argent. Oh putain, je vais te faire à toi la morale, tu vas comprendre. Je t'ai dit. J'ai pas compris là, tu l'entends tellement fort, je comprends pas ce que tu racontes. Je comprends pas. Oh putain, tu comprends pas, mais c'est clair, mon gars. Bon, écoute. Passe le portail, je te tire dessus. Écoute, arrête un peu. Ta gueule, Thibaut, là. Reste sur le côté, là. Reste sur le côté deux secondes avant que je me m'énerve et que je t'en mette une, d'accord? Oh putain. D'ailleurs, viens ici, enculé. Thibaut, ramène-moi. Tiens, prends-en une. Une deuxième, une troisième, une quatrième, ça t'apprendra à faire des paris sans payer, là. Oh putain, tu touches à mon frère. Bon, est-ce que le nerveux, là, il peut se calmer? Lucien, tu vas rester calme? Putain, viens me chercher, Thomas, s'il te plaît. Bon, reste sur le côté, toi. Va discuter avec Jérémy. Bon, attends, va discuter avec Jérémy, là, avant que je t'en remette une encore, là. Bon, le nerveux, là, il va se calmer, là, c'est Michel des planchettes. Oh, il y a un bitou, celui-là. Oh, je vais le manger. Oh, je vais le tuer. Thibaut! Non, il est parti jouer au Lego avec Jérémy, là. Putain, il me prend pour un con. Non, il est parti jouer au Monopoly, là, pour apprendre la valeur d'argent, là. Bon, donc, du coup, comment on fait pour le paiement, alors? Mais le paiement, mon gars, ben viens le chercher à la maison. Non, pas parce que... C'est moi qui vais te les donner. Non, je t'ai dit, je me déplace pas. Non, je me déplace pas, j'ai des clients qui doivent venir. Bon, ils gueulent tellement, je comprends rien. Bon, dis-moi. Parce que tu dis que tu vas apprendre à ton frère les valeurs de l'argent, etc. Mais quand on achète un truc, on paye. C'est moi qui te les donne, les sous. Eh ben parfait, l'affaire est pliée alors, c'est parfait. Eh ben viens, tu vas voir qui c'est qui est plié. Non, tu vas venir toi. C'est même Sintry, l'affaire est Sintry si tu veux. Bon, écoute, alors d'accord, donc mais si je me déplace, c'est 150 euros de plus. Mais même 1000 Parce qu'il faut que je fasse le plein de ma Porsche. Mais fois deux, je fais. Cadeau, c'est Noël, viens à la maison. Bon, Thibaut, l'affaire est arrangée avec ton frère, il est plutôt cool, c'est quelqu'un de gentil, je te le repasse. Thibaut, rentre à la maison. Il a déjà pris mon téléphone, mon iPhone 5, putain, je fais comment, moi? Thibaut, rentre à la maison, vite, avec le mec. Tu lui dis, viens à la maison, mon frère, il va lui donner les sous, c'est pas un problème. Je le fracasse, c'est pas un problème, n'aie pas peur, viens avec lui maintenant. Je t'ai déjà vu à ta face de pédé. Oh l'enculé, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh putain, il me prend pour une con. Oh, il se fout de moi. Oh, mais c'est qui ça encore? Va te faire enculer. Oh, mais c'est qui celui-là? Mais qui c'est ça encore? Thibaut, c'est qui? Va te faire enculer, sale con. Oh là là. Mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoute-moi, Thibaut. Tu es en train de me prendre pour un imbécile. Rentre à la maison maintenant. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Thibaut, rentre à la maison. Rentre à la maison avec le mec. Tu lui expliques. Tu lui expliques calmement. Je vais lui rendre. Mais ce n'est pas un problème. Mais qu'il vienne. Tu viens avec le mec. On va calmer les choses. Je suis énervé, c'est normal. Tu fais n'importe quoi. Non, il est énervé, ça s'entend pas comme ça au premier. À première vue, là. Ça s'entend pas des masses, hein. Mais de quoi? Je suis très calme, regarde. Je suis plus calme que calme encore. Je suis posé. Ah ouais? Viens à la maison. Ah ouais. Je te rends les sous, c'est pas un problème. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé. Oh, mais c'est qui celui-là encore? Oh, mais c'est qui ça? Oh, je vais vous manger. Et pareil, je vais vous tuer. Il va nous faire une attaque cardiaque? Il va mourir le mec là. Oh putain, Thibaut, qui c'est encore ça? Mais je te dis, je suis sûr que c'est Jérémy, il est des machins avec lui. Mais tu es où? Mais tu es où là? Putain, mais je suis... J'ai déjà culé à ta patte de pédé. Il va mourir. Bon. Mec, il faut que tu te calmes, tu vas nous faire un infarctus, ma gueule. Mais c'est qui ça encore? Mais c'est qui ça? Bah t'es passé nous voir dimanche. Oh, c'est une radio. Bah voilà. Oh, c'est qui cet enculé? Je vais te baiser, je vais te tuer, tu vas voir. Dis donc, mais ça Thomas, tu proposes, tu présentes des nouveaux abrutis à ton frère, comment tu fais qu'il fasse pas de conneries? C'est normal. Bah oui. Oh là là. Vous êtes vraiment des salauds. Bon, par contre, tu nous dois quand même 900 euros, hein, ouais. Ça c'est l'addition du téléphone. En billet de 5, on veut. En pièce de 1. Ouais. Voilà, comme ça on donnera 100 euros et le contrat, elle s'amusera. Mais j'ai le cœur qui s'est décroché, mais vous êtes des fous. Mais non. On n'est pas comme ça. Ah, pas de ça entre nous. Bon, est-ce que ça vous branche un casque Beats by Dre? Ah bah ouais. Oh non. Oh si. Carrément. Bon, faut le payer par contre. Ah ouais. Bon, il vaut 200 euros. Ils vendent 200 euros, mais comme c'est bientôt les seuls, je te le fais à 500. Allez, c'est les escrocs. Je double la mise. Eh ben parfait. Écoute, alors c'est parfait. Bon, en tout cas, le casque Beats by Dre pour vous. Vous restez au standard, on prend vos coordonnées. Bon, Thibaut. Ouais. On va l'offrir à ton frère, hein, le pauvre, il a failli faire un infarctus. Ouais. C'est clair. Le mérite en plus. C'est clair. Allez, salut à vous deux, en tout cas, merci d'avoir appelé, à bientôt. Bonne soirée, Mickaël. Ouais, et si vous voulez faire un petit canular aussi, n'hésitez pas, on remet le couvert la semaine prochaine, un peu plus tôt, hein, parce que la semaine prochaine, on fait 20h minuit tous les soirs, la semaine d'après également d'ailleurs, hein, donc si vous voulez faire un petit canular, repartir avec des cadeaux, en plus, il y a du gros cadeau la semaine prochaine, je vous annonce, dès le départ. Ah ouais, on a évidemment encore tous les maillots de foot évidemment, mais il y aura aussi d'autres cadeaux, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être cool. Donc soyez là, si vous voulez faire un canular, appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Ah donc il dit je suis en train de pleurer à force de rire là, Théo qui dit exploser de rire devant le canular, il a le sang chaud le petit Michel des planchettes. J'avais dit hier j'essaierai de le replacer. Non, il était bien placé, il était bien placé. Je me suis dit hop, les Michel des planchettes. Nicolas qui dit le canular de malade, il est trop chaud le mec. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Benjamin qui dit une pure bombe le canular, la Michel des planchettes, je suis des, c'est Jason. Romain aussi complètement hystérique le mec. Il y a Aria qui dit comment il s'engraine et qui gueule, c'est énorme, c'est excellent le canular là, je vais le centrer. Oui, je vais le centrer, tu vas voir, je vais le centrer. Devers 45. C'est Michel des planchettes mort de rire, t'es trop. Et en plus l'autre qui est énervé à mort là. Mais non, il était pas énervé. Non. Hein. Il avait passé une sale journée, il était pas vraiment énervé. Priscilla, ça l'a choqué les planchettes. Trop marrant pour Corentin, bah, c'est cool, vous avez kiffé là. Trop marrant également là, un petit message de Hugo Réo. Valou, il dit, il connaît pas la différence entre un ballon de rugby et de foot. Effectivement, le pari était risqué. Allez, ça est vu comme ça, et ça c'est une certitude. Trop bon le mec, là, Laura qui avait envoyé son message. Il joue trop bien le stress, c'est DJ Damilou également. Bon bah continuez avec vos messages, tant mieux si ça vous a bien fait marrer. On en refera d'autres évidemment avec plaisir. Et restez bien là aussi, puisque dans quelques minutes, j'ai un petit cadeau pour vous. Il y aura pas de questions, il y aura rien. Vous inscrirez, puis après j'en appelle un petit casque Beats by Dre. Pardon, en je crois en que c'est pour Polo et moi, mais... Ah non, pas du tout. Un petit casque Beats by Dre en Suisse. Il m'en reste un, je sais pas comment ça se fait, mais je crois qu'on en a eu un de trop. Donc on vous l'offre maintenant avant 2h du mat. Voilà, donc comme ça on fera plaisir qu'aux fidèles, puisque bah forcément à cette heure-ci il y a moins de monde qu'à 23, etc. qu'à 23h. Donc je vous l'offre dans quelques minutes. Vous restez là le temps d'écouter WNW avec Bigfoot. Eh oui, Bigfoot maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, on est au cœur de la nuit sans pub. Arthur qui dit vous êtes des gros malades, j'en ai mal au ventre, c'est horrible, je souffre, j'ai réveillé tout l'internat. Vous êtes géniaux, c'est des malades. Bah préviens ton internat d'écouter Fun Radio tous les soirs là. Merci d'écouter Fun, c'est WNW maintenant. WW Bigfoot à l'instant sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio, 1h02, et James qui dit « Salut Mickaël, j'écoute, ça fait un bail, je peux avoir un message de bienvenue ?» Bah bien sûr, ouais. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, Pierrick aussi, mort de rire le canular de tout à l'heure, et Alexandre qui dit « Énorme comment il s'est énervé, il m'a tué avec son « Oh putain, oh putain !» Et Toff, tu me dégoûtes avec la vidéo de Crystal et Vanessa, là, il se touche les tétons et suce un god, je vais vomir, putain, Toff. Pas... Retourne chez les scouts avec ton caleçon plein de merde. C'est pas un god, c'est un micro. C'était le micro, ouais. C'est vrai qu'il est gros. Bah si vous voulez, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble dans le studio pendant que on a Jean-François au téléphone qui est en train de se masturber en direct, eh bah allez voir, on a mis la vidéo sur le Facebook, sur le Twitter et sur YouTube évidemment. Vous tapez M-I-K-L officiel en un mot tout collé et puis venez nous rejoindre et abonnez-vous à la chaîne YouTube. D'ailleurs je m'abonnerai à vôtre également si vous le faites. Salut l'équipe de Fun, vous déchirez grave, est-ce que je peux avoir un pack Fun? Toff, je te plains. Ah écoute. Merci. Pour les packs, faut voir avec Sandro de funradio.fr. Lucas qui dit moi je me branle une vingtaine de fois par semaine. Ah oui, c'est effectivement pas mal. Ah ouais, un c'est une score. Bonne moyenne, c'est pas mal. Toff, c'est lequel? C'est Der qui avait envoyé le message. Bah, Toff, c'est lui. C'est moi. Voilà. Je suis Toff. Exactement. Et Polo, c'est l'autre. C'est moi, Polo. Je suis voilà. Polo. Je suis Polo. J'ai voilà. Du mal à le dire. Ouais, c'est, vous voyez, c'est lui qui bégaye, quoi. C'est ça. Dylan, mon site préféré, c'est Jackie et Michel. Jérémy qui dit également là, vous savez quoi? Moi, je vous kiffe trop. Vous gérez mes soirées plus fun que vous. Il n'y a pas des bars. Eh bah, tant mieux. On est là aussi pour se marrer. Et puis, bah, si vous, ça vous fait marrer, bah, tant mieux. On est tous contents comme ça. Là, continuez à prévenir vos potes. On est là tous les soirs sur Fun Radio. Et à partir de dimanche, on fait 20h minuit toute la semaine, semaine d'après y compris d'ailleurs jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On sera là pour vous tenir compagnie pendant le début des vacances. Donc bah, prévenez vos potes, 20h minuit, ce sera comme ça. Une heure de plus, c'est cool. Ouais, c'est bien. On va se mettre bien. On est plus tôt. Eh ben, on est plus tôt. On aura plein de trucs à faire. On aura plein de délires à faire également. Et puis vous toutes et vous tous en direct. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aurons également Anthony dans quelques instants. Ah. Anthony de Charleroi qui nous donnera évidemment le débrief. Son débrief du match de foot. Hein, deux matchs de foot, même quatre matchs de foot. Ah ouais, non, c'est. Il y a eu l'Allemagne qui a joué, il y a le Portugal qui a joué, la Belgique a joué, l'Algérie a joué. Il va falloir donner des avis évidemment là-dessus et des notes. Ah bah oui, il faut qu'il juge le match. Bon, en attendant, on a d'abord Jimmy qui est de retour avec nous. Là, t'es là, Jimmy? Ouais, je suis là. Bon, alors Jimmy, tu nous appelles donc de Castres et tu nous avais appelé il y a quelques jours ou semaines, je sais plus, pour nous dire que tu avais un problème avec ta meuf, elle avait grillé que tu avais un compte Badou qui en fait ne t'appartenait pas, il appartient, enfin si, il t'appartient, mais soi-disant c'est un pote à toi, voilà, c'est un pote à toi qui l'utilise. Évidemment, elle a pas cru, hein, ce que je peux concevoir elle totalement. Raison. Ah bah la raison, ouais. Parce que l'histoire est quand même est grosse comme une. Enfin, grosse comme la tête de Toff. Ah, c'est la grosse tête? Ouais. Ah, d'accord. Donc du coup c'est quand même assez normal qu'elle n'y ait pas cru. Donc depuis tu lui as parlé et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah elle m'a juste envoyé un message sur Facebook hier et son message était assez clair et du coup bah voilà, je pense que c'est largement fini quoi. Malgré tout ce que j'ai pu essayer de faire, bah voilà. Mais elle a mis autant de temps à te répondre? Elle a mis autant de temps à te répondre? Non, elle voulait pas me parler. Ah oui. Ouais, c'est... Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé un message sur Facebook, je dis bon bah voilà écoute pour histoire d'arranger les choses et de discuter normalement, bah je disais on va au restaurant, c'est un endroit voilà entre guillemets neutre, on va au restaurant, on vient, enfin voilà, on recommence tout quoi. Et elle n'est pas venue et du coup ouais, elle m'a envoyé un message sur Facebook en me disant que de toute façon elle a cerné quel genre d'homme j'étais, que les autres ils le voyaient pas, enfin. Voilà, elle a tout compris elle. Bon bah écoute alors l'affaire est bouclée alors, hein. Enfin fait, bah, l'affaire est pliée, voilà. La boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Bah du coup, c'est pour ça maintenant, je voulais justement faire appel à toi pour savoir si tu pouvais m'aider à retrouver quelqu'un. Mais bien bah, sûr. T'as un compte Badou, Jimmy? Non, tu non, je l'ai supprimé du coup. Ah, tu vas bah, recréer le? Ouais, fais chier, faut payer. Ah, il faut payer, Badou? Les trucs premium et tout ça, là, pour envoyer un peu plus de messages, faut payer. Ouais, c'est comme tout, tous les sites ils disent, ouais, c'est gratuit pour t'inscrire, mais en fait, t'as rien, quoi. Adopte un ouais, mec, tu payes. L'inscription est gratuite, mais après, si tu veux voir tout le reste, ouais, faut payer, quoi. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, et adopte un mec, c'est payant aussi? Non, c'est gratuit, et puis quand tu t'inscris dessus, tu dois payer pour, je sais quoi, s'acheter des cœurs ou je sais pas quoi, là. C'est non, pour adopter un mec, maintenant, même pour lire tes messages, il faut payer. Ouais, non, c'est putain. Si, en fait, tu peux créer ton profil, une fois que ton profil est créé, en fait, tout est payant. Toff me dit souvent dans le bureau, c'est moins cher de payer des putes. Ouais, peut-être. Et Tinder, c'est gratuit? Ouais, Tinder, c'est gratuit. Bah voilà, Tinder, tu peux essayer Tinder, Jimmy. C'est quoi ça? Bah Tinder, c'est une application sur ton portable. Et donc avec cette application, tu peux autoriser les gens qui ont Tinder également, à ceux qui sont pas loin de toi en l'occurrence, à voir qui tu es, où tu es. Et du coup, bah ils peuvent se mettre en contact avec toi ou toi avec eux par exemple, avec elle. Et donc au moins tu sais que dans un rayon de 5 km, bah t'as X personnes. Eh, tu sais quoi, je réfléchissais, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, tu peux envoyer ta bite à polo@radio.fr. Non, c'est pas ça. Non. En direction, hein. Non, je ne prends que les boobs de meuf. Ouais. Et ou les comme, boobs et bites de Shemale. Comme c'est une meuf, c'est un peu bête, laisse-lui un peu de temps, elle va tout oublier, tu pourras relancer ta démarche. N'importe quoi. Non mais sérieux. Non mais franchement je pense pas parce que comme je t'ai dit vu le message qu'elle a envoyé. Mais ouais quand même mais du... ça fait. Attends, j'ai un message pour Polo là. Ce gros connard va te faire enculer. Ah, ta gueule. Voilà. Ça, moi, il y a eu deux petits messages bien comme ça là. C'est vrai que laisse-lui un peu de temps. Et puis tu reviens à la charge. Si tu kiffes mais la meuf, pas, vas-y parce ma que gueule. Si le mec est aussi con que la meuf, il va oublier lui aussi. Donc on n'est pas plus avancé. Mais non, mais et non. Tout le monde aura oublié. Voilà, c'est ça en fait. Ils vont tous les deux oublier, puis ils vont se rencontrer comme la première fois. Ah. Et ben voilà, faites comme ben ça. Voilà. Exactement, ça non, peut être bien. Parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, voilà, vu le message comme je t'ai dit qu'elle a envoyé, là je l'ai sous les yeux. Franchement, je me dis que ça vaut même pas la peine. Mais elles savent pas ce qu'elle dit. Mais non, mais tu t'en fous, bah tant pis, tu passes à autre chose. Elle veut plus, hein, respecte voilà, ça. Et puis, bah. Et puis, tant pis pour elle. Que Michael et tout, ça fait longtemps que je l'écoute, il va me rendre ce service, quoi. Non, mais attends, je vais t'expliquer, c'est pas que je veux pas, hein, tu peux le faire si tu veux. Hein. Mais quand t'es une meuf, alors je peux te dire qu'il y a une meuf qui arrive. Oui, je suis célibataire. Bon, pas avec cette voix-là. Je peux te dire que le standard est carton, bonjour, tout le monde veut. Ouais, certainement pas. Tout le monde veut le numéro de la meuf. Autant quand un mec dit je cherche une meuf. Zéro, hein. Ouais. On là, a rien. T'avais déjà mis des mecs qui recherchaient ou de se. Ouais, et bah, à l'heure actuelle, ils cherchent encore. Hein. Ah, bah, d'accord. Ah, ouais, ouais. Bon, enfin, bah, écoute, vas-y. Hein. Bon, attends, je vais te passer Toff, là. Bien sûr. Alors, Jimmy, combien mesures-tu? Non, c'est pas trop mon genre. Ah non, mais on t'a pas demandé si t'es... Non, voilà. Bon, alors, combien pèses-tu? 65 kilos. D'accord. Il faut manger maintenant, parce que bon, on gringalait là quand même. Hein. Quelle est la taille de ton. Je grossis pas. Ouais. D'accord. Quelle est la taille de ton sexe turgescent? 23. Ah oui, quand même. T'es... Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? Et en vrai, 15 alors. Hein, donc, parce qu'en général, quand un mec donne sa taille, t'enlèves 8-9. Bah, dans ce cas-là, 30. Ouais, c'est ça. Alors, t'enlèves 15, 50% t'enlèves. Non, si tu veux, tu peux appeler mon ex, tu lui demandes, hein, elle te confirmera. Ah bah oui, bien sûr. Oui, bonjour, ton ex. Eh, tu es enculé. Elle va me raccrocher à la gueule, ça va être pratique. Espèce d'enculé. Va. Voilà, c'est ce qu'elle va me dire, ouais, certainement. Il aura raison. Tu parles trop. Vas-y. Et donc la taille du dernier pantalon que tu as acheté 38. 38, ouais, c'est... Ah oui, mais Toff, ça l'excite, hein. Qu'est-ce ah, oui, qu'il oui. est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon. Bon, si vous êtes intéressés, les filles... Ah bah attendez, les filles là, qui êtes là, parce que justement, j'ai oublié, il y en a trois qui sont venues nous voir, là. Célibataire, les trois, une, deux, aucune. Moi, célibataire. Ouais. Au milieu. Moi aussi. D'accord, au milieu, non. Au milieu, non. Donc, il y en a deux sur trois qui sont célibataires, on sait jamais. Voilà, et tente ta chance. Une photo sur Facebook. Photo. De quoi? Bah, envoie une photo, Jimmy, sur mon mail, je leur montre. Et t'as les cheveux, tu ressembles à quoi? Non, mais envoie-la-moi sur mon mail, parce que sur le Facebook, il y a tellement de monde, je vais mettre deux heures à trouver. Ok, bah, je te fais ça tout de suite. Là. Voilà, mikl@funradio.fr. Ouais, j'ai l'habitude. Oui, bon, enfin, on sait jamais. On préfère être sûr, on sait jamais. Eh, mec, fais attention, t'as intérêt à être beau, hein, parce que là. Ouais. Parce que sinon, il y a une des filles qui est là, elle va te tuer avec les rois. C'est-à-dire qu'elle a des rois partout, donc ouais. Elle peut te zigouiller la gorge. Quoi, t'as la photo, Toff? Ah bah c'est bon, t'emmerdes pas, Jimmy, on a la photo. De quoi, vous avez la photo d'où? Bah, Toff, elle a pris sur le Facebook. J'ai cherché. Bah, okay. Ah, la jeune catholique, elle est bouillante, là. Tu peux laisser ton numéro, hein. Vas-y, montre, Toff, que je donne... Quel âge, déjà? Que je fasse mon jugement. Il a 23 ans. Il vient d'où? Il vient de Castres. Oh non, c'est trop loin. Oh, c'est trop loin, hey, c'est l'autre. Il a une tête de con, mec. Oh mec, c'est pas possible. Et c'est Polo qui le dit. Alors non, mais moi, je cherche rien, j'ai rien demandé à personne. Non, c'est vrai, ouais. Non, bah ça va, t'es pas mal. Non, il est chum. Bon, les filles, vous en pensez? Bon, pas celle qui est maquée, hein, celle-là, on s'en fout. Franchement, il pourra trouver facilement, je pense. Hein. Ouais, très bien. Et la catholique? Bah, il est très mignon. Ah, il est très mignon. Il est très mignon. Bien, voilà. Jimmy, bien, voilà. Jimmy, écoute, pas de problème. Bon, bah, s'il veut venir se confesser, je suis disponible. Voilà. Bon, il y a Camille avec AK qui a dit qu'il était trop loin, mais est-ce que la catholique c'est trop loin ou pas? Ou elle peut prendre le train? Je sais pas où c'est, Castres. Oh. Mais sinon, j'ai la carte de transport militaire, hein, je peux bouger partout. Ah, parce qu'il est militaire. Ouais, je suis ancien militaire, ouais, je viens tout juste de finir. Eh, tu vois où t'es? On t'entend pas parce que tu parles à côté. Ouais. Si je parle comme ça, on entend rien du tout. Juste pour le costume militaire alors. Ah oui, bah c'est déjà pas mal. Eh, tu vois où t'es une baltringue, c'est-à-dire que tu passes tout le temps à nous faire chier, à nous dire que t'aimes la meuf et tout, et là, dès qu'il y a une meuf qui arrive, tu dis ah bah ouais, je viens de sérieux, j'ai ma carte militaire, mec. Bah ouais, c'est ça, mais t'es militaire. La meuf, elle est pas capable de faire la part des choses. Mais c'est une meuf, c'est capable de rien, mec. Non, mais ta gueule, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là alors, c'est un truc de ouf. Vous pouvez le frapper vraiment en vrai, les filles, si jamais vous voulez, comme elle a trois là. De quoi? Mets-lui un coup de pelle. Ouais, avec plaisir, ouais. Voilà. Ça lui fera. Ça ira mieux, tiens. Bon, bah écoute, Jimmy, on te tient au jus. Si jamais des filles sont intéressées, on te tient au courant, on donne les numéros, y'a pas de problème. Et puis, bah passe une bonne soirée, Jimmy. Eh bah, vous aussi, merci beaucoup. Salut. Et franchement, continue comme ça, parce que depuis l'émission sans interdit, je t'écoute et franchement, je te Eh bah, ça fait longtemps. Bah, c'est gentil, en tout cas. Merci à toi, Jimmy. Ouais. Allez, ciao, salut, ciao Jimmy. Bon, Anthony dans un instant va nous donner les résultats du football. Enfin pas les résultats mais en tout cas son analyse. T'es là Anthony? Oui. Anthony de Charleroi, donc qui t'as vu tous les matchs ou pas? Non. Ah t'en as quand même vu un vrai commentateur quoi. Ouais t'en as quand même vu quelques-uns ou t'as rien vu? Ni vu deux. T'en as vu deux. Bon, deux sur quatre, c'est pas mal. Ah, trois, bah c'est bien, 3 sur 4, c'est bien. Bon, au tiercé, ça rapporte, hein, 3 ouais, sur 4. C'est vrai. Bon, tu vas nous donner ton avis dans quelques minutes, d'accord? D'accord, pas de problème. Bon, très bien. T'es sûr, hein? Oui, sûr. Ça t'ennuie pas parce que j'ai l'impression que ça t'emmerde? Non, c'est parce que je suis juste ému, c'est expliqué pourquoi après. Tu es ému? Oui. Il a trouvé l'amour. Tu t'es fait démonter le fion, Anthony. Mais quoi? T'as baisé? T'as baisé? Non. Oh merde, t'as chié, t'as fait caca? Non. Bon, tu vas nous expliquer après pourquoi t'es ému, alors d'accord? Oui. Bon, très bien. Bah, reste avec nous, Anthony de Charleroi. Il y aura Jawad aussi dans un instant. Jérémy qui dit: je vous écoute et je me fais sucer la bite par une putain de meuf. Eh ben, putain, mon cochon. Il y en a qui ont de la chance. Eh ben, profites-en. Jason qui dit: je viens de regarder la vidéo de Toff. Toff m'a tué, j'en pleure tellement. Ah oui, la vidéo de Crystal et Vanessa en train d'exciter Jean-François. Si vous voulez aller voir ça, bah, facebook.com. Tapez Mickaël officiel. Je l'ai mis sur le Twitter, je l'ai mis sur le YouTube également. Miss Bieber qui dit: message de bienvenue à Garance qui vous écoute et qui commence à s'endormir. Eh ben oui. Espèce d'enculé. Voilà. Emeline également, vous gérez, vous me faites redescendre le stress. Résultat de bac, du bac demain matin. Ouh, bah, bonne chance à ceux qui attendent avec impatience là. Yaku aussi comme message: c'est pas votre dernière, vous rassurez-moi. Non, t'inquiète, on va pas s'arrêter tout de suite. Et jeune François, ce qu'il dit, t'es vraiment con, Polo, les filles savent faire plein de choses, la vaisselle, le ménage, la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Et accessoirement, sucer des bites. Mais oui, c'est ça. Ah bah bravo. N'importe quoi. Enfin. Bon, allez, 1h15 sur Fun. On va se faire le son de Jason Derulo avec Snoop Dogg. Maintenant, sur Fun avec Wiggle. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. Et le casque Beats by Dre est à gagner maintenant. On fait pas de jeu, on fait rien, on fait un tirage au sort. Voilà, il vous reste, je vous laisse 30 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez M.I.K.L. puis vous mettez Beats. Pas Beat, hein. Beats. B-E-A-T-S. Voilà, Beats. Donc, M.I.K.L. espace Beats et votre numéro de téléphone. Vous envoyez au 64 900 pour la Belgique, au 63 22. J'en appelle un dans moins de 30 minutes, juste avant Polo contre le reste du monde. Et je lui file le casque Beats by Dre. Ça vaut 200 €. Il y en a un de plus. Voilà. Comme ça, il est tombé. Bah oui, mais je pense qu'ils ont foutu au service cadeau. Ils ont mis un de trop. Bah tant mieux. On va vous le filer alors, du coup, hein, plutôt qu'il retourne là-bas. Voilà. M.I.K.L. espace Beats, espace votre numéro de téléphone. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Et Jason Derulo, Snoop Dogg maintenant. We go. Wiggle Wiggles sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Hey yo Jace, baby, you got a bright future behind you. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god, Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun, 1h18. Message de Adam qui dit: il faut faire quoi? T'as parlé trop vite, j'ai pas entendu. Bah pourtant j'ai répété 10 fois Adam là. Donc pour gagner le casque Beats by Dre qui vaut 200 boules, il y a pas de question, il y a rien. Faut juste envoyer M.I.K.L. puis vous mettez un espace, puis vous mettez Beats et vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. J'en tire un au sort avant avant la fin de l'émission, avant Polo contre le reste du monde d'ici une petite demi-heure. Et comme je l'ai dit aussi, hein, du coup je l'ai fait exprès de faire à peu près 1h du matin, comme ça on ne récompense que les fidèles. Mm-hmm. Voilà. Mais ceux et qui ça restent, c'est bien. Bah c'est ceux qui restent le plus tard dans l'émission, parce qu'au final sinon tu arrives au début de l'émission, c'est facile. Donc voilà, ceux qui sont encore là, bah c'est les plus fidèles. Donc c'est merci, bah, déjà merci beaucoup d'être là. Donc si vous voulez gagner le casque Beats by Dre, il suffit d'envoyer M.I.K.L. espace Beats, vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Alors c'est bien parce que j'ai quand même épelé Beats tout à l'heure et j'ai bien dit B-E-A-T-S. Il y en a quand même qui m'envoie Beats, B-I-T-E, B-I-T-T-E. On a un mot B-I-T-S aussi. Il y a Beats comme les Beats, hein, il y a les bytes, il y a quoi aussi? Beat avec un Y, exactement, qui t'arrive. BYT. Je pense que j'ai le meilleur là. BITSE. Pas mal. Moi j'ai Bass Beats également. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, alors je sais pas d'où sort Bass, hein, parce qu'on t'a rien demandé au niveau des basses quand même. Hein. Voilà, donc BEATS, espace. Non, MIKL, espace BEATS. Et puis vous envoyez ça au 64-900. Je tire au sort. Alors bonne chance pour le casque Beats by Dre. Gauthier qui dit, c'est possible de repartir avec le dernier casque Beats by Dre. Bah oui, c'est possible, Gauthier. Il suffit de jouer tout simplement. Clem, un petit message de bienvenue si possible. Eh ben écoute, c'est possible, oui. Je vais monter te voir. Je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, émission au top. Je vous adore. Si toute l'équipe signée Chloé, bah merci Chloé. Gros bisous à toi. Et tous fans des Bleus qui dit, comme vous offrez des crampons, il n'y a pas moyen que vous me fassiez un prix, car il m'en faut la saison prochaine. Ah ben bah, on n'est pas une boutique, tous fans des Bleus. Mais tu peux aller sur le site, ils sont cool en plus, hein, tous ceux qui, enfin le site qui file ça, prodirectsoccer.com/fr, je crois. Tu vas dessus, tu choisis ce que tu veux. Je crois que les prix sont sont plutôt pas mal, donc voilà, tranquille. Bah oui. Voilà. Et, au pire, à la limite, tu peux toujours essayer. Je sais pas si ça a marché. T'envoies un message, tu dis que t'as entendu la pub sur Fun et que tu fais la part de Toff. Voilà. Voilà. Ils vont te le faire deux fois plus cher le cet enculé de Toff. Voilà, c'est ça. 50% mais en plus. Non, ça va être bien. Très très bonne promo là. Très très bonne promo. En plus, c'est les soldes. Ah bah grave, mais c'est les soldes depuis aujourd'hui hier, ou hier. Depuis hier, c'est les soldes, effectivement. Toff a acheté un survêtement. Oui, en forme de caca. C'est ça. Voilà, c'est couleur ça. Caca également. Couleur caca avec des espèces de trucs sur le côté, c'est bizarre. C'est magnifique. Magnifique. Je suis trop beau dedans. Exactement. Je j'irai pas jusque là, mais bon. Vous êtes déséquilibré. Oui, je pense. Bon, Anthony qui est avec nous de Charleroi. Que la transition était magnifique. Oui. Toujours là, Anthony? Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé du match Belgique-Algérie? N'importe quoi. Belgique-Corée du Sud. Bah, une très belle victoire de la Belgique, c'était mérité, franchement, c'était beau. Ok, donc là on sent quand même le vrai commentateur sportif, donc ça c'est cool. C'était beau. C'était à chier, les mecs, ils ont rien fait. Bah, ils ont mis un but. Et un carton rouge. Et qu'est-ce que tu penses de la victoire? Attends, qu'est-ce que tu penses du fait que le Portugal va directement en demi-finale? Ils ont pas passé. Bah, si, ils ont passé. Non. Bah, enfin, si, Anthony, t'as pas suivi quoi? Le Portugal, non. J'ai mais si, mais si. En fait, à la fin du match, ils ont réussi à choper l'espèce de nounours qu'il y avait au-dessus du stade. Et en le chopant, paf, t'arrivais directement en demi-finale. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Non, mais t'as pas suivi, Anthony. T'es pas sérieux, là. Bah, j'ai regardé le classement. Mais oui, mais ça n'a rien à voir, puisque justement, t'as essayé de prendre le petit nounours qui pendait, là, au fil. Cristiano Ronaldo, il est arrivé, il a sauté avec sa cape, paf, il l'a chopé. Direct, il est passé en demi-finale. Est-ce que tu trouves ça un peu honteux ou pas? Parce qu'au final, il y a d'autres équipes qui se font chier à jouer, à faire des trucs. L'autre, il arrive, paf, il passe directement en demi-finale. Moi, je trouve ça un peu honteux. Et je voulais ton avis. C'est vrai, c'est honteux parce que c'est un prétentieux. Ah, ben voilà. Et donc, là, il arrive, il passe directement en demi-finale. Bon, ça se fait pas, quoi. Ouais, c'est grillé un peu la politesse, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu grillé. Ouais, mais je n'aime pas ce type-là, donc... En plus. Ah si, moi, j'adore. Hein. Cristiano Ronaldo. Non, j'aime pas. Tu préfères qui, toi? Bah, c'est Yadier et Sarawin Milan. Ah oui, bah mais oui, mais il toi est tellement connu. T'es bi, gay ou hétéro-curieux aujourd'hui? Bah, toujours gay, comme t'es d'habitude. T'es gay lequel tu voudrais bien fourrer? Et Sarawi. Il joue dans quelle équipe encore? Milan. Ah oui, c'est ça, Milan. C'est celui avec sa grosse coupe de cheveux, là, ça t'excite pas? Attends, parce qu'on dévie de sujet, Donc, ton avis, donc toi, tu trouves que c'est un peu scandaleux que le Portugal passe directement en demi-finale juste parce que Cristiano Ronaldo a réussi à choper le petit nounours au-dessus du stade, quoi, c'est ça? Voilà. Bon, t'as raison. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses du match Algérie-Russie? Alors, avant que je ne le dise, je demande à mon frère qui m'a les écouteurs parce que je vais justement parler. Ben, fais ta vie, Anthony. Ben moi, franchement, le match Algérie-Russie, j'ai cru vraiment que l'Algérie, elle passait à la trappe. Ouais. Oui. Et c'est une grande trappe pour toute l'équipe, hein. Oui, c'est beaucoup, 23 personnes quand même, d'un coup, là. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, quand la Russie a marqué, je fais, c'est pas possible, ils vont pas passer. Après, quand l'Algérie a marqué à la 60e, t'as dit, c'est possible, ils vont passer. Ben, j'espérais que ça allait rester comme ça, et ça restait comme ça, et après, quand ça a été... fini, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais content qu'il passe. Donc... Ah bah oui. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, 1, 2, 3. Ouais. Quoi? T'es supporter de l'Algérie? Oh, il est phénoménal. Oui. Et si je dis 1... Je crois que je vais guérir. Ah oui, en français, bien sûr. Bah oui. C'est ça. 1, 2, 3, il comprend pas. 1, 2, 3, là, ça va. Et qu'est-ce que tu as pensé du match Allemagne-États-Unis? Bah franchement, ce match-là, ça dû être, le nul aurait dû être mérité. Parce il y a deux secondes, il a dit qu'il a vu trois matchs. Hein, donc, c'est pas du quatrième. Je pense que le nul aurait dû quand même être mérité, quoi. Bah, le match nul devait être mérité. Oui. Ouais. Et Portugal-Ghana? M'en fous, j'ai pas suivi. De quoi? J'ai pas suivi ce match-là, donc je ne sais pas. Non, mais ça se fait pas, pourquoi t'as pas suivi? Ah ouais, c'était j'aime le match pas, le plus important. J'aime pas le Portugal. Ah, je sais, c'est un petit... Je sais pourquoi. L'histoire des tombes, les non, murs, tout ça. À Charleroi, on peut pas dire. Et quoi? Tu peux pas dire j'habite à Charleroi et j'aime pas le Portugal. Ah bah oui. Il y a que des Portugais, des Italiens. Non, il n'y a pas de Portugais à Charleroi. Enfin, ah si bon y en a, mais je veux dire, c'est pas la majorité, quoi. Pourquoi t'aimes pas le Portugal? Parce qu'il y a Cristiano Ronaldo et puis c'est une équipe qui a battu la Suède. Et pour faire ça, ils auraient dû laisser passer la Suède pour passer. Le fait mais de mieux. Donc le Portugal, en fait, aurait dû dire hop, hop, hop, hop, hop. La Suède, après vous, mes amis. Voilà. On reviendra dans 4 ans. Bah oui. Ouais. Bah, un peu de gentleman, quoi. C'est ça. Ça aurait été mieux parce que j'aime pas du tout le Portugal. Il y a des joueurs prétentieux là-dedans, donc j'aime pas. Bah oui. D'accord, t'as raison, okay. T'as raison. Parce que tu sais que le Portugal va gagner la prochaine Champions League. Possible. Parce que je pense normalement, et même la Ligue 1, ils vont gagner. Hop, direct. Eh, Anthony? Oui. En fait, moi ça m'intéresse parce que depuis tout à l'heure, enfin, je suis pas fan de foot. Pourquoi t'étais ému? Ben, si mon frère n'écoute pas encore, parce que l'Algérie a fait un nul, et comme elle a fait un nul, et comme elle a gagné, j'ai pleuré. Bon, oh, il a pleuré. Oh. Et alors, maintenant, autre question, voyons le futur maintenant. Est-ce que tu penses que l'Algérie va battre l'Allemagne? Bah, pourquoi pas. On peut espérer, mais je pense pas. Mais tu penses pas? Mais on peut espérer. Ouais. Ouais. D'accord. Oh, c'est gagné un signal, là c'est sûr, j'ai fait la fête avec ma mère, j'ai acheté le roi. Hey, Anthony, pour fêter ça, on appelle ton ancienne meuf et tu vas la larguer. En direct. J'ai plus son numéro. Oh, merde. Non, mais si l'Algérie gagne, il va dans Charleroi et il klaxonne et tout. D'accord. C'est bien, c'est beau. Non, mais voilà, avec ma mère, avec le drapeau et tout, franchement, ça serait beau. Ah ouais, ça serait beau, hein. Ça serait beau. Mais t'es algérien, toi? Non, je suis belge, 100% belge. C'est le seul Belge qui ne supporte pas d'équipe belge. Ah si, je supporte quand même des équipes belges quand même. Ah, qui ça, lesquelles? C'est le roi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et Anderlecht. Anderlecht. Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, ben Anthony, on va pas te déranger plus longtemps, on sait que t'as beaucoup de travail. Bah, j'ai pas beaucoup de travail, je vous écoute, donc j'ai rien à faire. Ah, bon, bah écoute. Je croyais que t'avais 2-3 tombes encore à nettoyer. Bah, j'ai les frais demain. Ah d'accord. Bah t'as raison. Eh bah écoute, ouais, en même temps les clients sont pas chiants, ils sont plus un jour près. Hein. C'est ça, ils ont le temps. Ouais. Ils ont un peu de temps de ce côté-là, on est aujourd'hui, demain pour eux pareil. Ça roule. Bon, allez, salut Anthony. Hein. Salut. Allez, ciao à toi. Il y a Corinne qui dit, il est trop endormi le commentateur. Non mais c'est pour rire, hein, c'est pas un commentateur. Jean-Pascal qui dit, Anthony, ferme ta gueule de merde avec tes coms à deux ballons. Il y a Waves également qui dit, vous mettez la forme les gars, changez pas. Eh ben on compte pas changer Waves, merci en tout cas pour le message. Marie aussi, toilette time, oui. Eh ben écoute, il faut bien aussi. Et puis Corentin qui dit, c'est quoi le nom de l'application qui dit en fonction des aliments que tu manges, combien de fois tu pètes, mort de rire. Comment s'appelait la comble, j'ai oublié. C'est Fart Code. F-A-R-T espace code. Voilà, C-O-D. Et Florian qui dit, un vrai footix que vous aviez là à l'antenne. Ah oui. Et Jeanne-Françoise, mieux que Paul le Poulpe, c'est Anthony de Charleroi, effectivement, qui était avec nous à l'instant, en exclu total, alors que d'autres radios sont en train d'essayer de nous le voler. Mais oui, c'est scandaleux. Il n'est pas question qu'il parte sur RMC, j'annonce. Jamais vous n'aurez assez de moyens à RMC pour prendre notre commentateur Anthony. Jamais il reste à la maison. Sullivan, je viens d'écouter votre émission. J'adore, est-ce que vous pouvez me faire un message de bienvenue, please? Bah oui, on peut te mettre un petit message de bienvenue. Ferme ta gueule! Ah merde, attends, j'avais jamais su, attends par moi. Et moi je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans? Voilà, hein, c'était une question comme ça qui est passée vite fait. Bon, Jawad dans un instant qui est avec nous. Salut Jawad! Oui, bonjour. Salut Jawad, ça va et toi? Je vais faire une dédicace. En fait, elle sera la femme, mais je vais la faire maintenant parce que j'ai à l'écrire et je voudrais la lire. Je peux le faire? Bien sûr. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Le son de Saya à l'instant, c'était Chandelier. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, hey Jawad, il y a cette connasse de Sayel nous a coupé là. Putain. Oui, bah, putain. Je vais recommencer, je vais recommencer. Bon bah recommence alors. Vive la France, surtout quand elle est mise à l'épreuve. Non merde, non, putain, mais non, c'est beau ça. Oh. Ah. Bon, vas-y. Voilà. Je recommence. Bah vas-y. Surtout quand elle est mise à l'épreuve, c'est là qu'elle a besoin de plus de soutien. Vive la meilleure radio de France qui passe que des hits et qui assure en libre antenne. Vive aussi l'équipe de Fun Radio, en particulier Mickaël. Tu veux qu'on t'applaudisse ? Ah, c'est tout là ? Ouais, c'est tout. Oh, c'est beau. Eh, hey, Jawad. Ce soir, dans l'émission littéraire, nous recevons Toff. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est gentil. Oui, merci beaucoup, Jawad. J'adore. Comment ? La purée ? J'ai assuré. Ah ouais, t'as puré, ouais, grave. Ah, tu vois que cette musique vient de... Mais bien sûr. La première phrase, grande Espagne. Vas-y, attends, tu sais quoi, Attends, Jawad, refais-la. Attends, vas-y. Oui. Vive la France, surtout quand elle est mise à l'épreuve, c'est là qu'elle a besoin de plus de soutien. Et la suite. Hein? Et la suite. Hein? Oh. Vive la meilleure radio de France qui passe que des hits et qui assure en libre antenne. Vive aussi l'équipe de Fun Radio, en particulier Mickaël. Bravo! C'est beau! Oh oui! Merci. Magnifique! Merci. Bravo! Voilà. Je vous adore, je vous écoute tous les soirs et j'adore cette émission-là. Nous aussi, on s'adore. Et mon histoire que je devais raconter, je peux la raconter. Ah ouais. Avec Donna Juana. Ouais, attends, c'est la musique de la folie des grandeurs pour ceux qui ont pas vu. C'est la musique de la folie des grandeurs pour ceux qui ont pas vu avec de Louis de Funès. De Funès, Montand, Alice Sapriche. Voilà. C'est d'être gentil. Je peux vous raconter ce qui m'est arrivé. Tu vois pas que c'est beau là, laisse-nous pleurer là. Ah, attends, je vais pleurer. Laisse-nous pleurer. Attends. Voilà. On dirait quand vous êtes prêts. Et bah attends, une seconde. Imagine Toff sur son skateboard. Ah oui. Non. Ah, sur son âne avec une 42 ans pour essayer de le faire avancer l'âne avec une canne à pêche. Une canne à carotte. Avec les oiseaux qui passent. C'est vrai. Des bateaux au loin. Ouais, tout à fait. Bon, sinon tu nous appelais pourquoi? Alors je vous avais appelé pour parce qu'en fait je suis parti à Marrakech pendant deux mois, le mois de mars et le mois de février. Ouais. Mois de mars et attends, mois de tu vas à l'envers toi, le mois de mars et le mois de février. Le mois de mars et le mois d'avril, excusez-moi. Le mois de mars et le mois d'avril. Ouais. Pendant deux mois. Ouais. Et je suis parti dans un bar-restaurant. Ouais. Il y avait une meuf qui se faisait chier au comptoir. Elle était belle, elle était ravissante, elle avait du charme, elle chiait sur le comptoir. Là où il fallait. Jawad. En plus, attendez. Non mais attends, j'ai pas fini mon histoire. Mais non, mais c'est important qu'on remette les choses. T'as dit, elle chiait sur le comptoir. Non, elle était au comptoir. Ah d'accord. Un verre. D'accord. Et je suis arrivé au comptoir, j'ai payé un verre. Et je me suis assis à ma table, on peut fumer la chicha, on est en train de fumer de la chicha. En France aussi, tu peux fumer la chicha. Ma table, j'ai offert un deuxième verre, elle a commencé à me faire des bisous dans le cou, sur la bouche, partout. Elle prenait combien? Elle t'a demandé combien pour tout ça? J'ai pas fini, elle m'a demandé aucune, rien du tout. Mais seulement, j'étais avec mon beau-frère. Et mon beau-frère, parce que je me suis marié, c'est pendant les. Ah bah bravo Jawad. J'étais avec mon beau-frère. Ça fait que j'ai rien fait d'illégal. À m'embrasser, je me laissais faire. Moi j'ai rien fait du tout. C'est tout le temps qui venait vers moi. Bah oui, évidemment. Ouais, j'arrive. Toutes les mêmes. Ah oui, mais tu dois partir, Jawad, c'est pas grave, sinon on fait un autre jour. Hein. Ouais. Hein, c'est parfait. Tu dois partir ou pas là? Non, parce que si t'as des obligations, on te dérange pas. Risque pas les emmerdes pour nous, hein, vraiment. Non, vous inquiétez pas, alors ça va. Il y a pas de problème. Bon. Y a pas de problème, monsieur. Bon, bah c'est pas grave. Bien. Bon, et donc. Et après, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Le lendemain, j'ai téléphoné et tout. Je lui dis, ouais, c'est bien sûr que t'as ton beau café, toi, c'est rappelle-moi et tout. Elle me dit, écoute, moi, si tu veux faire quelque chose de sérieux avec moi, j'ai un enfant. Mais moi je suis marié et je sais pas comment être adultère parce qu'en fait, le frère de ma. Si j'avais su, parce qu'Anthony, plus ça, direct enchaîné, ça fait lourd. Je suis un adultère qui me met en prison. Qui va te mettre en prison? Bah ouais, c'est juste son frère. Le frère de qui? De sa meuf. Le frère de ma femme. Oui, mais tu sais que c'est pas parce que tu es juge que tu mets qui tu veux en prison, hein. Bah oui. Ouais, pour adultère, il peut. Mais non. Là? Mais non. Au Maroc, peut-être, mais pas ici. Ici, tu peux baiser comme tu veux. J'aurais niqué, quoi. De quoi? Parce que s'il a lutté... Il a dit... J'aurais su, j'aurais niqué. Oh, t'es un bon, Jawad, t'es un bon. Bravo. Oh là là là là là là là. Ah bah il faut retourner là hein. Et attends, qu'est-ce qui m'est arrivé une semaine après, j'en vais dans le même bar. Il y a une meuf qui m'accoste. Elle me dit bah 300€ la chambre, 300€ la passe. Ah oui, putain, ça fait et cher hein. Et 200€ la boisson. Bon, j'avais de l'argent donc je m'en foutais quoi. Enfin, ça fait 800 coup. Boules quand même hein. Ouais, on va dans l'hôtel. C'est des dirhams. C'est des dirhams. Ouais, c'est pas des dirhams. Ah oui, alors c'est beaucoup moins cher là. Ouais. Et multiplié par 11,5. Ouais, ça fait bon, pour ça fait comme 100 boules, quoi. Vous avez 1500. Ouais, on va pas faire la bourse. Hein. La bourse en direct de Marrakech. Le cours du dollar, il en est où là? Non, c'est pas le cours du dollar, le cours de l'euro. C'est Michael Bourse. 1€, t'as 1,25€. Ah bah oui. Ah ouais, 10 dirhams 25, pardon. Ouais, 12 dirhams 25. Et le cours de la prostituée à Marrakech, on est combien? 300€. Alors comme je te dis, je m'en vais dans la chambre et tout, elle me déshabille et tout. Ouais. D'un coup, je suis moyen d'assurer. Quoi? J'ai pris une douche, je suis moyen d'assurer. Ah, tu m'en plus. Ça se relèvera du tout. J'avais trop bu, j'arrivais pas, ça me plaisait pas. Ça fait que je lui donnais l'argent. C'est-à-dire pour que rien, le mec... après le lendemain. Mais attends, La soirée m'est revenue pour 1000 dirhams, pour 100€. Attends, j'ai agressé le lendemain. Ouais. On fait une pause, là. Jawad, ouais. Parce qu'on les appelle malveillants à faire, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, m'envoyer un pack Covid, ça. Tu nous aurais demandé ça depuis le début, ça aurait été plus rapide. Hein. Ah ouais. Ah, ouais, mais j'avais envie de discuter avec vous. Ah non, mais t'es le bienvenu. Attends, mais il fallait pas te forcer. Le dialogue est un échange de points de vue. Ah oui, bah bien. Non, mais bon, après. Vu, on a vachement échangé là. On a quand même beaucoup échangé. La liberté, c'est avoir le choix, mais c'est aussi accepter le choix d'autrui. Attache un bouquin, toi. Là. Exactement. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Mais voilà. Oh, y a pas besoin. Ah bon? Je suis quelqu'un de gentil, vous inquiétez pas. Mais bien sûr, t'as l'air gentil, évidemment, Jawad. On a pas dit l'inverse, c'est clair. Bon, et ben écoute, Jawad, tu vas rester là, on va te filer un pack alors. Ouais, d'accord. Bon, bah merci. Écoute, avec plaisir. Bah, je t'en prie, écoute. Y a pas de problème. Tu veux rester avec... Attends, c'est quoi tu veux passer dès que j'ai des nouvelles histoires un peu hors du commun, je vous mets au courant. Avec plaisir. Avec plaisir. Et tu veux passer dans Polo contre le reste du monde? Hein? Tu veux pas... Bah, tu sais quoi, je vais te passer Sandro, elle va t'expliquer ce que c'est Polo contre le reste du monde. C'est une nouvelle émission, enfin une nouvelle, ça fait deux mois. Et tu vas pouvoir passer dedans. Pourquoi faire? Pour rien. Tu verras, ça te fera du bien. C'est pour échanger. Non, c'est bien, c'est pour échanger, tout ça, ça va être cool. Je te repasse Sandro, elle va t'expliquer. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Ça roule, avec plaisir. Salut Jawad. Allez, salut. Allez, ciao Jawad. Tiens, il y a un message de Sullivan qui dit soit il est du Nord, soit il a le nez bouché. Julien qui dit putain tof, comment il ressemble à rien, quel constipe, comment vous faites, franchement, je vous plains, oh my god. Et alors Alexandre qui dit mes applications sont boulibiles, le jeu. Facebook est fun, je vous adore. Il y a une application Mickaël No Limit ou pas? Love you, soft off. Ouais Alex, ça existe, bien sûr, sur l'Apple Store, tu télécharges sans problème. Et Jean-Pascal, un gros bisou de La Réunion, vous êtes trop géniaux, bonne continuation, vous êtes la radio préférée. Cool, on embrasse tout le monde à La Réunion, évidemment. Et si on se faisait la dernière giclée d'appel malveillant. Oh oui. Je rappelle qu'il y a toujours les casques Beats by Dre aussi. Hein, dans moins de. Bah juste avant Polo contre le reste du monde, dans moins de 15 minutes, je tire au sort. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de questions, il n'y a que dalle. On vous envoie juste M-I-K-L espace Beats, B-E-A-T-S. Et puis on vous appelle. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et on vous appelle. Attention, B-E-A-T-S. Hein. J'en vois encore qui marque de nouveau B-E-A-T, B-I-T-S, B-I-2-T, B-I-2-T-E, etc. etc. Donc ça ne sert à rien évidemment. Donc si vous voulez repartir avec ce casque Beats by Dre, bah, vous envoyez vous envoyez M-I-K-L espace B-E-A-T-S au 64 900 et comme je dis, c'est pour faire plaisir à tous les auditeurs les plus fidèles, puisque entre 1h et 2h du mat, bah c'est là qu'il y a le moins de monde qui écoute, il y en a plein qui dorment, etc. Donc du coup on récompense que les fidèles. Voilà. C'est sympa. Bah, je trouve ça pas magnifique. Bah voilà, donc voilà, bonne chance tout le monde. Et puis on tire au sort dans une toute petite dizaine de minutes. Les appels malveillants à base de masturbation, puisque on est sorti une étude très intéressante qui disait qu'il fallait, pour les mecs en tout cas, éjaculer au moins 12 fois par mois pour éviter les problèmes cardiaques. Les problèmes cardiaques, tout à fait. Ouais. Donc grâce au numéro que vous nous avez envoyé, comme d'habitude, tous les soirs, hein, en masse, évidemment, sur toph@funradio.fr, eh bien on peut appeler plein d'amis à vous. Ah oh, oui. C'est des parti. Gens sympathiques. Bah j'espère. On y va, c'est parti, 1h42 sur Fun Radio, toujours au cœur de la nuit sans pub. Et c'est déjà bientôt la fin de l'émission. Oh. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Et en fait, je voulais savoir combien de fois par mois vous éjaculez, monsieur. Crétin. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Ah, ça va ? Adorable. Très gentil. J'ai aimé ce toute cette affection qui est passée entre nous. Oui, oui, c'est ça. Attends, on va rappeler. Oui, allô ? Bougez pas, je vais vous passer ma femme, vous pourrez lui demander. D'accord, avec plaisir, monsieur. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir combien d'éjaculations a votre mari par mois. C'est quoi cette connerie ? Mais c'est pas une connerie, madame, c'est une question. Moi, déjà, je ne parle pas à un inconnu qui est de téléphone. Je m'appelle Toff, madame. C'est quoi cette connerie ? Mais c'est pas une connerie, madame, c'est une question. Je crois que le mieux à même pour vous répondre, c'est mon mari, non ? Bah, pourquoi vous voulez pas me répondre, madame ? C'est pas gentil. Réponds-lui, toi. Allô ? Oui. Oui, monsieur, c'est pas gentil de pas me répondre. Bah non, mais je pensais que mon épouse était la plus à même. Ah bah oui, mais elle a pas vraiment répondu, monsieur. Bah non, elle a pas répondu. Bah. Ça dépend des mois, chérie, on va dire. D'accord, mais en moyenne ? En moyenne ? Combien, oui. Chérie, je dis ? À ton avis, il y en a combien ? Il y en a combien par mois ? Au moins 30. Ah, au moins 30. Ah bah c'est non, c'est bien, monsieur, hein, vous avez raison, faut continuer sur cette lignée. Hein. Ouais. C'est bon, ça vous évitera des problèmes cardiaques, monsieur. Exactement. Mais... C'est qui alors, c'est Toff ? Oui, c'est Toff, monsieur. Toff ? Oui. Et c'est quelle radio ? Ah, c'est pas la radio, monsieur, j'appelle pour mon plaisir personnel. Ah, ça m'étonnerait. Ah bah pourquoi ça vous étonnerait, monsieur ? Parce que... Je pense qu'il n'y a que des gens de la radio pour perdre leur temps à faire ce genre de conneries, c'est tout. Oh non, monsieur, non. Si. Oh non, je peux pas vous laisser. Il n'y a que la radio qui appelle en masqué. Ah bah non, monsieur, il y a plein de gens qui appellent en masqué. Non, je peux pas vous laisser. Oui, je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Bon. D'autres questions ? Non, ce sera tout, monsieur. Ce sera tout ? Oui. Une très bonne soirée. Mais de même, monsieur, au revoir. Merci, au revoir. Bah voilà. Bah oui, j'étais gentil. Ouais. Mais il était gentil, cordial, il a répondu pour une fois, ça change. Mais oui. Ça change d'habitude. Ce gros connard va te faire enculer. Ou de ça. Espèce d'enculé, va. Voilà, ou même de ça. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Voilà. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, Flavien qui dit le mec parle d'argent, de prostituées, de police, de prison, tout ça pour demander un pack fun à la fin. Mais oui, c'est ça, ouais. C'était Jawad qu'on a eu tout de suite, là. Elwen qui dit une super appli, c'est 2048. Ah oui, bon, on en a parlé tout à l'heure. J'ai le bac français demain matin, j'ai rien révisé, je vais peut-être commencer à la fin de Mickaël No Limit. C'est plus la peine. Quart d'heure, hein. Carlito qui dit sinon mon app préféré c'est Clash of Clans. Jean-Baptiste qui dit appli que j'utilise c'est Ultimate Time FIFA 14 et Art Sex Tube. Très bien. Et alors tous les soirs on est mort de rire à vous écouter. On est à Marseille et on cherche des putes, aidez-nous. JB et Massimo. Bon, si vous êtes pute sur Marseille, bah contactez-nous et puis on vous passe à JB et Massimo, alors sans problème. Bon, et Roman aussi, salut Mika, t'es trop cool, moi et ma copine Pitlor, on vous écoute tous les soirs, alors on pourrait avoir un petit message de bienvenue. Bah oui, si vous voulez, sans problème. Espèce d'enculé, t'es... Voilà, je t'en mets ma petite doublette. Je vais couper la tête avec mon pénis, ok ? Ok, alors 1h46 sur Fun Radio, on va appeler le gagnant ou la gagnante pour le casque Beats by Dre dans quelques secondes sur Fun Radio. Le temps d'écouter Both avec Straight Out Line, c'est un son que vous avez découvert sur Fun il y a quelques jours. Et puis on va, donc si vous voulez vous inscrire, il vous reste 5 minutes là avant qu'on appelle quelqu'un. Vous envoyez Mickaël suivi de BEATS, donc Mickaël espace BEATS, puisque c'est le casque Beats by Dre qu'on vous offre. Ça semble logique. Ouais, et vous laissez votre numéro, vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 6322 depuis la Belgique. Et dans 4 minutes maintenant, je l'appelle l'un d'entre vous pour lui filer le casque Beats by Dre. C'est juste pour faire plaisir aux auditeurs les plus fidèles et à ceux qui restent debout le plus longtemps. Voilà, comme ça au moins on pourra pas dire ouais vous filez que les cadeaux au début de l'émission, etc. Bah comme ça au moins, hop là. En plus je l'ai pas prévenu au début de l'émission, comme ça, il n'y a pas de crevards qui vont écouter exprès pour gagner. On a que les fidèles. On est entre nous. On est entre nous, on est pépère, on est à la cool. Je vous souhaite bonne chance. Mickaël espace Beats, vous envoyez ça au 64-900 et on écoute Both maintenant sur Fun Radio. Straight Out Line sur Fun. Both à l'instant sur Fun Radio, Straight Out Line. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, 1h50, il y a 69 degrés qui dit mon app préféré, c'est Subway Surfers. Il y a Christophe aussi, salut la team. Moi, l'application que j'utilise le plus, c'est Facebook. Et c'est possible d'avoir un des nouveaux messages de bienvenue, s'il te plaît. Faut faire comment pour avoir un pack fun? Bah, alors, pack fun, faut demander à Sandro à funradio.fr. Et pour les messages de bienvenue, oui, je peux t'en mettre des nouveaux. Oh, il était pas mal, lui. Oui, mais moi, je vous souhaite qu'un truc, c'est qu'on aille tous à votre putain de Fun Radio de merde à Paris, là, et on vous fasse pomper la gueule. Il était gentil, lui, hein. Ah, vraiment, il était adorable. C'est un de mes préférés. Il y avait celui-là qui était bien aussi, là. Ferme ta gueule, moi, j'ai même pas envie de te parler à la sortie, là. Moi, je vais te prendre, je vais te crever ta race, enculé, va, tu vas voir. Je te jure, tu vas me sucer les boules, mon gars, mais tu vas tellement les gober. Mais alors, avant tellement aller loin dans ta bouche, mon gars, tu vas voir. Très gentil, encore une fois. Trop d'amour. Non, d'amour. La sympathie même. Ouais, moi j'ai celui-là aussi. Mais je vais me masturber sur ta gueule, gros PDA, tu vas voir. Ça te fait un tout drôle, là. Ça bouge pas sa main, ce PDA que tu es, va. Donc dans les autres best-of, alors qu'est-ce que j'ai aussi? Je mets les plus hardcore là, on a fini là. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse porter, t'as compris, enculé? Voilà, et alors je pense que là c'est quand même le meilleur du meilleur. Ça te plaît, cochon que tu es là. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Voilà, c'était les meilleurs, je pense que. Oh, il y a peut-être encore quelques-uns qu'on a ah zappé, ouais. Mais ça, ils font partie des meilleurs. Voilà, c'est ça. Alors, c'est toujours bon d'écouter de la poésie comme mais ça. Mais oui. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? Mais je pense qu'en fait, il oui. serait mieux comme ça. Merde. Je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Voilà. Sur ma vie, je te nique ta mère. Et tu vois, tout de suite nique ta femme. Attends. Je vais t'éjaculer à ta face de PD, de gay, comme ça t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? Voilà, tu vois, avec cette musique-là, tout de suite, ça passe crème, hein. Ouais, bah, c'est oui. ta mère, hein, je te fais bander, moi, je vais t'inculer, PD. Je vais te montrer comment tu vas passer, au grand okay. pute. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée, t'as compris, enculé? Voilà. Je vais t'éjaculer à ta face de PD, de gay, comme ça t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? Ah, oh, j'adore. Tout de suite, ça passe vachement mieux. Alors moi, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Avec la petite musique qui va bien et tout, regarde, tout c'est là, voilà. Je t'emmerde, gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Oh. C'est toute la violence qui s'atténue. Hyper pété une à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Je vais te demander que c'est qu'elle éteint la lumière, connard, va. Ferme ta gueule, moi j'ai même pas envie de te parler à la sortie là. Je vais te crever ta race, enculé, va, tu vas voir. Je te jure, tu vas me sucer les boules, mon gars, mais tu vas tellement les gober. Mais alors, avant tellement aller loin dans ta bouche, mon gars, tu vas voir. Tu vois? Ah oui, c'est beau. En fait, on devrait faire des appels malveillants comme ça maintenant. Avec cette belle musique. Ouais, c'est beau. Moi j'ai adoré. Je ça ferait tellement mieux. Ben oui. Je suis fan de nous. Exactement. Et voilà. L'appel malveillant est terminé. Ouais. Et c'est plié. Ah oui, c'est et bon. On se fait pas chier. Allez, on appelle le gagnant ou la gagnante maintenant. C'est parti. Polo contre le reste du monde à suivre direct derrière. Et le gagnant éventuel maintenant là. Allez hop, on l'appelle. S'il décroche, oh. il gagne. Allô? Allô? Ça va, mon con? Ouais, ça va. Ça va, mon enculé? C'est qui? Devine. Je sais pas. Bah, cherche mieux. Bah, je sais pas. Bah, cherche encore un peu mieux. Charlie? C'est Charlie. Non, c'est pas Charlie, non. Non, t'as, pas, t'as pas d'idée là. C'est Mickaël? Mais oui! Oh putain! Oh putain! Oh grosse pute! Oh grosse pute! Bon bah bravo! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy. Eh ben Jérémy, tu repars avec le casque Beats by Dre puisque t'as envoyé Mickaël puis Beats. Eh ben voilà, félicitations. Hein. Ah merci, merci Mickaël. Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ah, c'est terrible. Eh ben voilà, casque Beats by Dre pour préparer les vacances et tout, ça va être cool. 200 euros, c'est ce que ça vaut. Eh ben on va te le filer maintenant, il y a aucun problème. Merci beaucoup, il y a pas de problème. Avec plaisir. Bon bah bon week-end. Je peux passer une dédicace C'est ça ou le casque Beats by Dre? Ah bon, je préfère le casque alors. Bon allez, vas-y, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Coralie, ma meilleure amie que j'aime plus que tout. D'accord, eh ben message passé, pas de problème. Et je peux avoir un pack fan aussi ou pas? Dis donc, t'abuses un peu là, Coco, là, non? Hein, hein? Peux-tu filer un pack chum avec pack des chum photos de Toff. Un slip de Toff et des morceaux. Exactement, le pack chum. Oh, tout à fait. Bon, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse de toute façon. Et bravo pour le casque Beats by Dre. A bientôt. Merci, à bientôt. Salut à toi, ciao. Salut. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Je suis là, on va commencer tout de suite avec Jawad. Jawad, je t'écoute. Jawad. Ouais, tout à l'heure, oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Au niveau de quoi? Au niveau de rien du tout. Kevin. Oui. Oui. Oui. Je t'écoute. Je pète la mère à Toff. Pourquoi tu dis ça? Ça se fait pas, le pauvre. Il mérite le respect. T'es un connard, casse-toi. D'où grincheux, je t'écoute. 14 ans, ouais. En direct de Bretagne. Enfin, je voulais dire juste, c'est trop beau. Merci beaucoup, le doux grincheux. Maëva. Ouais, Polo. Maëva la casse-couille, je t'écoute. Oh, Polo, je suis trop de paix, j'arrive à une norme. On comprend pas, Maëva, on comprend pas quand tu parles. Articule. J'ai dit, je suis trop de paix parce que je suis arrivée en retard. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, Maëva? Je m'en fous. Loan. Ouais, Polo, je vais devenir doux. Mais t'as quel âge? J'ai 14 ans. Tu veux... Bon, est-ce qu'on peut avoir la musique du baptême des doux? Loan. Ouais. Bon, tu veux devenir nous, officiel? Tu veux venir nous? Ouais. Bon, Loan, mets-toi à genoux. C'est fait. C'est fait? Insulte-toi, Loan. Je suis un Toff. Je suis un putain d'enculé. Encore? Je suis un fils de pute. Encore? Un gros connard. Bon, Loan, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Bon, tape-toi sur la tête. Encore? Est-ce que tu saignes un peu ou pas? Ouais. Ça saigne? Ouais. Bravo, Loan, tu es doux officiel. Ouais. Tu es le doux... le doux fruité. Ok? Ok, je peux faire une dédicace? Non, dégage d'ici, Jean-Jacques Dulac. Ouais, j'ai bien réfléchi, tu sais, tu veux ressembler physiquement et mentalement à Jean-François maintenant. D'accord, c'est génial, j'en ai rien à foutre. Julien. Je me casse. Je t'entends pas, Julien. Oui. Bon, Jean Mouloud. Écoute-moi bien, enfant de pute. Si je veux venir, je vais t'enculer, t'as compris? D'accord, c'est bien, bravo, belle imitation. Jawad. Jawad. Mais qu'est-ce qu'il est bête alors, Jawad. Jawad une fois. Jawad. Bon, Kevin, le retour. Oui. Bon, vas-y, je t'écoute. Elle a une belle voix, Maëva. Bon, vas-y, raconte pas ta vie et avance. Ta gueule. Bon, Kevin. Non, je gueule. Tout le camp d'ici. Le doux grincheux. Ouais, tu sais comment couper une bande? Non. Tu lui demandes de chercher des cons dans une personne. On comprend pas ce que tu dis. Ouais, ta gueule alors. Bon, allez, casse-toi. Maëva. Pourquoi t'as dit que j'étais casse-couille? Parce que t'es casse-couille, Maëva, quand même. Ben non. Si. Enfin, pas de ça entre nous, Polo. Loan. Ouais, Polo, ça fait trop longtemps que je t'écoute, là, tu m'excites, hein. Oh, Polo. Allez, branle-toi, branle-toi, vas-y, Loan. Vas-y, continue. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, vas-y, Loan. Allez, Loan. Oh, j'ai c'est joué. C'est bon? T'as joué? Parfait. Jean-Jacques. Oh, bon, donc je mets des cafés dans le vagin. Donc je mets des cafés. Julien. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je veux devenir doux. T'as quel âge? 13. T'es sûr de ça? Ouais. Tu reviens dimanche, ok? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Jean Mouloud. Tu aimes le sperme? Non. Il veut te sperme au visage. Très bien. Jawad, le retour. Je crois qu'il est décédé, Jawad. Doux grincheux. Qu'est-ce que va tomber dans la nuit? Je sais pas. Maëva. Bienvenue à nouveau doux. Super. Loan. Ouais, merci Maëva, et je vous écoute depuis trop longtemps, je vous kiffe les mecs. En fait, les mecs font leur discussion entre eux. Jean-Jacques Dulac. Oh, oh. Julien. Christophe. Jean Mouloud. Toff, je vais te sodomiser, tu vas avoir très mal au cul. Super, on va conclure cette émission, ce Polo contre l'As du Monde, avec Jawad. Conclusion, Jawad. Parfait, c'était génial. Le doux grincheux, conclusion. C'est moche. Maëva. peux faire des chansons du Ouais, Loan. Je te baise le gras de la jambe. Super. Et ça, il me l'a repris. Je tiens à dire que c'est ça, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui aime baiser le gras des jambes des femmes. Ouais, c'est vrai, je prends le petit bourrelet de gras là entre la fesse et la cuisse et je le baise. C'est vrai. Allez où? Jean-Jacques Dulac, conclusion. Ouais. Super. Jean Mouloud, conclusion. Non, faut pas dire que ta mère. Super. Maëva. Mais c'est pas ici. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça, ça n'a pas de prix. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Oh magnifique, 2h tout pile sur Fun Radio, il y a le top tweetos qu'on va faire dans quelques minutes et le générique également, hein. On va voir lequel de vous a le plus tweeté ce soir avec le hashtag MIKL sur Fun. On va également c'est tout en fait, hein. Hop là c'est parti, avant de partir, hein. Je rappelle que la semaine prochaine on sera là à partir de 20h, 20h minuit toute la semaine. Il y a Jason qui dit Mickaël, regarde l'application, bonjour madame, ça va intéresser Polo. Ah bah message passé. Ah. Et Maxime qui dit salut l'équipe, je voudrais vous demander des techniques pour arrêter de se manger les ongles. Et le vernis amer ne marche pas et il dédie à Salomé et mon père. Eh ben écoute Maxime, on peut en parler dimanche soir si tu veux. J'ai entendu le vernis à merde. Non. Allez, quel est le numéro 5 dans le top tweetos? Alors le numéro 5 c'est... Oui. C'est Pierre. D'accord. Numéro 4 Mister Steven. Numéro 3 Jean Kebab. Numéro 2 Corentin. Et enfin le numéro 1 c'est Benjamin. C'est Benjamin, très bien. Eh ben bravo à toi Benjamin donc, hein, qui repart donc avec... Son sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, il a presque oublié le nom, dis donc. Hein, non, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de dire toute la phrase. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Vu comme ça, évidemment. Très bien, parfait. Ah bon, on remet le couvert des dimanche soir à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis on va se faire péter, évidemment, maintenant le générique de fin. Attention, allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, teuf, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tel onculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qu'on cule ton nom, t'es un enculé. Chante au rythme. Je vais prendre un avion, je vais venir te pratiquer. C'est ton oncle, pas ta mère. Ce gros connard va te faire enculer. Espèce d'enculé, va. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Qu'est-ce qui se passe ici? Couper la tête avec mon pénis, ok? Quel cochon de mon, que veux-tu? Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, allez, on termine évidemment. Hein. Merci Maëva, salut. Ciao Maëva, la semaine prochaine. Bon, et ben très bien, merci les filles de passer nous voir. Et merci à vous de nous avoir accueillis. Bah écoute, avec plaisir, vous avez pas eu peur de Toff? Qu'est-ce que vous en avez pensé de sa sale gueule? On s'habitue. Ouais. On s'habitue. Ouais. Mais est-ce que 3 heures ça suffit? 3 heures ça suffit ou pas pour l'habitude? C'est un peu court, mais. Moi, il m'a fallu un mois. Pendant un mois, je vomissais. J'avais du des sang, espèces du de sang. Pustules, du sang. Exactement. Je ouais. Chiais comme ça, je marchais dans la rue, je chiais quand je voyais Toff. Voilà, c'est ça. C'était. Et après, ça va au bout de la. C'était de la psychologique, quoi. Au bout de 10 ans, ça va. Évidemment, évidemment. Bon, en tout cas, passez un bon week-end. Bon courage pour ceux qui ont les résultats demain, là. Oh, ça va aller, de toute façon, c'est fait. Hein. C'est fait, oui. Là, et stressez pas, le truc il est plié là, vous avez fait les épreuves, vous avez tout fait là. Après, bon bah voilà, c'est raté, c'est raté, et vous referez mieux l'année prochaine. Certainement, ou peut-être moins pire aussi l'année prochaine, allez savoir. Bon, allez, on se retrouve dimanche 20h. Dans le casino Mickaël No Limit, tous les soirs, c'est blackjack, poker et machine à sous. Mais tous les soirs, c'est vous les grands gagnants. Mickaël No Limit sur Fun Radio, parce qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Allez, c'est Loan qui va débarquer également maintenant là avec le son Dance Floor jusqu'à 6h du mat. Tu sais que c'est comme très perturbant d'avoir le même prénom que le maître de tout à l'heure pendant le pendant le jeu. Parce qu'il faisait des trucs un peu particuliers. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Loan. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu peux changer de prénom si tu veux encore. Non, bah je vais le garder. Je m'appelle René dorénavant. Non, c'est voilà. Joli Loan. Mais oui. Donc Loan qui va jusqu'à 6h du mat pour bah directement jusqu'à la dernière de Bruno tout à l'heure. C'est ça, avec plein de surprises. Paraît-il. Mais paraît-il, oui, je vois que tu m'interroges des yeux, mais je ne dirai rien. Non, non, mais je ne te demande rien. Je sais que c'est une surprise, il n'y a pas de problème. Je ne sais rien non plus d'ailleurs. Loan, ça t'a plu ton petit passage avec nous? C'était très sympa, très cool. Voilà. Mais trop court. Tu t'es instruit? Bah instruit avec Toff et Polo, c'est peut-être un grand mot, mais bon. C'est fou, je suis sûr qu'on t'a appris plein de trucs. Mais t'as découvert plein d'insultes que tu connaissais pas. Mais ça c'est évident. Non, j'ai découvert un truc. Pour être franc avec vous, j'ai découvert les planchettes. Que je ne connaissais pas. Enfin, attention parce qu'on pèse là-bas. Hein. On pèse au c'est plancher. C'est un quartier. C'est un quartier au plancher. C'est un quartier de Verdun. Ouais, c'est ça, Verdun, ouais. Bon, ah bah, le son des fleurs, donc toute la nuit, sans pub, sur Fun Radio jusqu'à 6h, c'est Bruno qui arrivera. Et puis bah nous, on se retrouve dimanche à partir de 20h et toute la semaine prochaine, 20h minuit, y compris la semaine d'après, avec plein de cadeaux, notamment, évidemment, encore une fois, les maillots de football et la Total Football, bien entendu. On se quitte avec le son de Oumet Toscan. Raise your hands, maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, bah, bon courage, on se retrouve demain d'ailleurs, pour ceux qui veulent, on sera avec Polo au Luxembourg, au Rockafield Festival, avec notamment 30 Seconds to Mars. On va aller déposer de l'argent là-bas. Ouais, c'est ça, on va mettre notre pognon là-bas. Bah prépare ta pièce de 1€.